J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour, oui. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le numéro 14 de cette nouvelle saison. Et oui, bah là, ça file hein. Comme à l'accoutumée, déjà une langue qui c'est franche. C'est la coute du B. À la coute du B. Quatre invités. Tout d'abord, je vais vous présenter Aurélien Prévost. Ouais. Bonsoir. Merci pour tous ces applaudissements. Aurélien Prévost, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors moi, vous m'avez peut-être vu sur OCS dans la série Irresponsable. Très très très bonne série. Ah merde ! C'est pas toi, ouais. Ah, je me confonds. C'est un gars qui te ressemble pas. Je me confonds avec Sébastien Chassagne, c'est ça. Voilà, très sympa, que j'adore et qui me ressemble beaucoup. Et on me le dit souvent. Et du coup, moi-même, je me confonds avec lui. Et allez voir cette série sur OCS. Ouais. Un gag très visuel pour du podcast. Mais... C'est la perche que je tendais. J'espérais que tu dises ça. Mais taper Sébastien Chassagne et mon nom, c'est compliqué. Et hein. Il a des lunettes. Comparer les deux. Il a des lunettes, donc c'est ton sosie, quoi. C'est ça. Voilà. C'est pas faux. Un peu dégarni, mais moins que moi, quand même, pour lui accorder ce truc-là. Est-ce que tu peux dire la vérité, s'il te plaît, Aurélien? Sébastien. Bah, c'est la vérité. Oui, allez. Et sinon, je suis... On serre la vis hein, un peu là. Ouais, c'est la nouvelle année. Les blagues, c'est... Bon. Je croyais que c'était monté. On pouvait non, être... plus du tout. Ah, c'est plus monté. Plus okay. Monté et non, plus je suis blague. Aurélien Prévost. Vous m'avez peut-être vu sévir avec le crew Multiprise sur YouTube, la plateforme de vidéos sur Internet. Et sur Golden Moustache. Et qu'est-ce que j'oublie? Et moi, tu me regardes comme si j'en savais quelque chose. Qu'est-ce que j'ai branlé, je connais moi. Assez peu ta carrière, Aurélien. Je suis venu une fois au podcast. C'est oui, c'est vrai. Mais c'était une bonne émission. Ouais. Parle bien dans le micro. Vous m'avez face, pardon. Si tu parles comme ça. Ok, vous m'avez. Prenez un sandwich, ce que je fais là. Vous m'avez peut-être entendu une fois sur ce podcast qui était extraordinaire. Je suis très content d'être là et je vous aime tous. Oh, moi aussi, on t'aime, Adrien. C'est Aurélien. Putain, je crois que c'était Sébastien. Très bonne vanne sonore. Putain, vous faites des vannes sonores, c'est ça qu'il va faire. Est-ce qu'on t'appelait Adrien quand t'étais petit ou pas? Oui, tout le temps. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et toi, on t'appelait pas Aurélien? Si, ah ouais, carrément. Parce que c'est peu connu quand même, Aurélien, j'ai l'impression. Comme, bah si, c'est plus courant que Adrien. Ah bah, Aurélien, je suis pas sale. D'accord avec ça. Ah ouais, mais je peux t'arracher les cheveux. C'est facile, il m'en reste 8. Celui que vous entendez, bon, vous le connaissez, il s'agit du célèbre sniper de cette émission, il s'agit d'Adrien Méniel. Merci. Adrien Méniel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh ben, je m'appelle Adrien Méniel, j'ai fondé Amazon. C'est toi? C'est moi. Qu'est-ce que tu fous ici? Non, mais ça tourne Amazon maintenant. C'est tous des logiciels seul, et des ah, des c'est gens, pas toi qui gère les mails? Non, tout est automatisé et puis c'est des gens sous-payés qui tournent dans les entrepôts. Moi, je suis tranquille, quoi. Bah, bienvenue dans Floodcast, du rire et de la dénonce, les deux. Hein, voilà. Et du coup, quand vous achetez des trucs, monsieur le patron d'Amazon, vous passez par Amazon ou alors ça vous rappelle le boulot Je sais pas de vanne. Elle était bien, c'était dur de rebondir. Par contre, Adrien, vu que maintenant on enregistre un peu les Floodcasts en avance, donc tu as travaillé sur une série qui vient de sortir, je crois. Mais non, n'est pas trop d'espoir. Ah non, c'est t'as pas dit que ça sortait le 4 septembre, l'épisode? Mais on est censé être... Il sort le 14 ou 15. De toute façon, il y aura une bande-annonce, donc techniquement, on est bon. Non, mais les mecs, vous emballez pas, ça fait 2 ans que vous utilisez cette série. Si c'est décalé, c'est vraiment la honte, quoi. Non, mais mec, le teaser est sorti fin août, donc on est bon. Bon, attends. Adrien, s'il te plaît, tu reposeras ta tout question. Tout ce passage peut être coupé. Est-ce que tu peux, je t'en supplie, bien, faire ta promo? C'est sorti. Ça y est, c'est enfin sorti. Ça sort quand la bande-annonce? Ça sort quand la bande-annonce? Fin août ou début septembre. Donc c'est déjà sorti. On est bon, on est mi-septembre. Ainsi que la série. Repose ta question. Adrien, tu as travaillé sur une série qui vient de sortir ou qui va sortir dans incessamment sous peu, j'ai l'impression. Qui cartonne déjà. Le teaser est sorti il y a peu de temps, donc je pense que je peux en parler. Tu sais que je vais tout garder au montage. Bah oui, une série qui s'appelle Groom. C'est la première fois que je le bip pas, donc c'est quand même ça, un kiff. Groom, voilà. Groom, la série Groom sur YouTube Premium. Putain, je suis là à ce moment-là parce que vous en parlez dans chaque émission. Deux ans et demi. Putain, je suis honoré. Ouais. Bah, en tout cas, j'ai vu la série du coup, parce que ça y est, c'est sorti. Bah, c'est sorti. Et je pense que j'ai adoré. Non, mais série sur laquelle. T'imagines sur l'affiche. Je pense que j'ai adoré. Excuse-moi, Adrien, je t'ai coupé. Non, mais il n'y a aucun problème. si tu veux saboter ton propre, ton propre gagne-pain, Flaubert. Non, la série sur laquelle j'étais auteur avec toi. Et oui, on a co-créé cette série avec Robinson Latour et Axel Malivernet. Idée originale de Axel Malivernet. Tout à fait. Et j'ai également eu la chance d'être acteur, un des personnages principaux dans cette série. Un avec gentil Jérôme ou un Niel, méchant comment tu fais un gentil ou un méchant? Ah, c'est ça qui est agréable. Ouais. C'est doux à mer. C'est le salaud qu'on aime bien aimer quand même. Quoi. L'anti-héros, quelque part, un petit peu. Un connard, mais qui a des bons côtés. Quoi. Okay. Bah, et les gars, lâchez-vous, vous pouvez donner le casting et tout. Mais c'est vrai que je joue le rôle de Martin. Martin le concierge. Voilà, le concierge d'un hôtel de luxe. À côté de Jérôme Niel. À côté de Jérôme Niel, le personnage principal qui joue le groom, Constance Labbé, Vincent Tirel, Nassim Siamed et Marie Lanchasse. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Marc Lavoine, tu as oublié. Alors attends, dis pas tout parce qu'il y a des épisodes payants quand même. Donc si les gens pouvaient payer pour regarder cette série, contractuellement, c'est la première fois qu'on fait un truc payant. Donc si je vous en supplie. En même temps, là, c'est juste l'info qu'il y a Marc Lavoine. Les gens vont pas dire, je sais déjà qu'il y a Marc Lavoine. Ça spoil rien. Ouais, moi je trouve que c'est une belle surprise. Et il y a aussi Julie Ferrier. Il y a plein de gens super dans cette série qu'on vous invite à regarder. On aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'on fera un épisode spécial avec d'autres créateurs, peut-être du casting. Il y a Marc Villalonga, voilà, je vous le dis. C'est vrai. Il y a Marc Villalonga. Un éléphant, ça trompe énormément. Ça s'appelle teaser. C'est du teasing, Aurélien Prévost. Moi, quand je dis Marc Lavoine, je me fais embrouiller. Mais moi, j'ai évolué très vite, Aurélien, d'accord. Surtout que Marc Lavoine, c'était pour faire une vanne absurde, parce que je rappelle que la série n'est pas sortie, que je ne l'ai pas vue. J'ai balancé un nom absurde, et a priori, il est dans la série. Non, mais tu le savais. Je savais. Marc Lavoine du cœur des hommes 3. Voilà, c'est comme ça qu'il est écrit dans le générique. La moine du cœur des hommes 3. Vu qu'on est super galant, on a commencé par les mecs, mais nous sommes également avec Navi. Oui. Navi, que je vais appeler Virginie Toulon, parce que j'ai pris l'habitude de t'appeler Virginie. Oui. Mais moi aussi. Vous vivez ensemble. Virvir, on l'appelle Virvir. Navi, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je suis autrice et scénariste, et depuis pas très longtemps... J'ai un peu changé de taf, donc je suis directeur de création. Chez Ubisoft. Donc je travaille chez Ubisoft. Voilà. Stylé. Extrêmement stylé. Ouais, et c'est jaloux. Un peu cool. Je suis jaloux. Je suis très très contente. C'est stylé. Puisque tu connais personnellement Rayman. Du coup. C'est ça, ouais, je travaille avec Rayman. Ouais, c'est quand même est-ce que les lapins sont-ils vraiment crétins ou est-ce qu'ils font semblant? Non, vraiment, ils sont stupides. Ils sont vraiment au quotidien. Très crétins au quotidien. Et du coup, c'est de la scénarisation de jeux vidéo. Enfin, je suis plus directrice d'écriture là-bas et showrunneuse. Et c'est très cool. Et je suis très contente. Et donc du coup, à côté de ça, je continue quand même la BD. Et alors, vu qu'on est, je te rappelle, dans le futur, quelque part, tu viens de sortir une BD où elle va sortir. Elle vient de sortir. Ouais, 19 septembre, donc. Elle va sortir cette semaine. Alors là, incroyable. Est-ce que vous pouvez précommander sur la Fnac? Je vous en supplie. Ouais. Ou Amazon, ou hein. Moi, ça peut me faire un peu plus. Ouais, ou vous avez petit libraire de quartier, c'est cool aussi. Oui. Ouais. Si vous aimez marcher, quoi. Si vous aimez marcher. Et les boîtes qui payent leurs impôts, quoi. Pardon, excuse-moi, Adrien, mais je sais que sur les impôts, t'es un peu ledge. Moi en double, ça sort 19 septembre, c'est chez Delcourt, comme la première BD que j'ai faite. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. D'accord. Pour qu'on fera un peu la promo de tout le monde. Ouais. Nous sommes également avec Céline Tran. Ouais. Bonjour. Céline, c'est la première fois que tu viens ici, parce que tout le monde est déjà venu une fois. Oui. Voilà, que des habitudes, ton setup quasiment. Ça fait des années que je te dis que je vais venir et que je ne viens finalement pas. Mais parce que tu es parce que j'ai shampoing, parce que j'ai des activités, tout simplement. À des un milliard d'activités, et quelle meilleure façon de transitionner? Pas sûr du verbe, en te demandant ce que tu fais en ce moment pour les gens qui ne te connaissent pas. Justement, je ne sais pas répondre à cette question. Dis que tu es au podcast de Flaubert. Je suis à ton podcast et c'est déjà pas mal. Que dire? Je suis jongleuse en fait. C'est ça. Je jongle entre plusieurs activités. Vous m'avez vu il y a longtemps sur Canal+, et un peu plus moins longtemps sur le Golden Moustache et le Golden Show. Oui. Et dans Le Visiteur du Futur, on s'est retrouvé aussi. Et depuis, dans un film d'action au Cambodge qui est sur Netflix. Qui est sur Netflix France, en plus, j'ai vu. Qui s'appelle Jet Break. Ah, trop bien. Ouais. Putain, je regarderai. Et puis, j'ai sorti mon bouquin où je parle de mon ancienne carrière dans le X, où je m'appelais Katsuni. Et donc, maintenant, c'est Céline. Ah, mais c'est toi, putain. C'est moi. Ah, mais d'accord. D'accord, Parce que là, j'ai... Ouais, j'ai... Je me disais... Parce que j'ai des chaussures, des vêtements, je parle. Et je suis debout. C'est vrai que... ça change tout, on n'a pas la même personne. Tu me disais quelque chose et tu t'es mis à parler. Moi aussi, d'ailleurs, je vois différemment. Je découvre le monde. Une perception verticale. Les concerts et tout, c'est mieux, du coup. Ouais. Ça change tout. Et sinon, je suis aussi dans la BD, puisque en tant que scénariste, j'avais coécrit pour Ankama au label 619 pour une série qui s'appelait Heartbreaker. Et là, je continue en tant que directrice de collection et actu. Oui. Puisque ce mois-ci sort la nouvelle collection dont je suis directrice de collection aux éditions Glénat et qui s'appelle Porn and Pop, qui est une collection dédiée à la sexualité, aux adultes. Dans plein de registres différents, fiction, guide. Et les premiers noms, c'est qui les premiers noms? On va commencer avec Bastien Vivès. C'est trop la classe. Écrit un guide du sextoy. D'accord. C'est vachement bien. Donc vous allez pouvoir apprendre à faire des choses avec des mains en caoutchouc, avec des pieds en caoutchouc, avec des mains en caoutchouc avec des moteurs. D'accord. Ah ouais. Avec plusieurs vitesses. Non, mais c'est extrêmement diversifié quand on parle de sextoy, mais c'est un sujet dont on pourrait débattre des heures. C'est pas que des sextoys masculins, parce que là, t'as cité des vraiment. Trucs... Les mains, ça marche pour les deux côtés. Et puis, il y a des petites mains. Attends, les femmes, on a jamais utilisé tes mains avec... Ça marche, hein. Non, mais moi, quand je pense... C'est dégueulasse, sérieux. C'est plus ce que marché gay. Effectivement. D'accord. Des nouveautés. Ouais, effectivement. Monsieur connaît, mais... Je me suis renseigné. C'est le patron d'Amazon. Hein. C'est une... numéro 1 des ventes. Hein, donc, Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonne soirée. Ouais, écoutez, cette année, les podcasts sont plus courts. C'est pour en sortir plus souvent. Pour en sortir beaucoup plus. Non, on ne change pas les bonnes habitudes. Comme à l'accoutumée, je me tourne vers vous pour que vous conseillez un truc culturel que vous avez consommé récemment, que ce soit du cinéma, de la télé, du théâtre, de la série, de la bande dessinée, des couleurs. Des si vous avez aimé une couleur pas récemment. Il y a un radiateur devant moi. Un radiateur. Taupe. Couleur taupe, t'aimes bien la couleur taupe? J'ai déliré là-dessus pendant une semaine. Adrien, vu que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, ça fait longtemps que t'es pas venu dans ce podcast, que l'émission d'avant, c'était deux émissions où tu n'étais pas là, malheureusement. Donc, est-ce que tu peux... Tu me préviens pas, forcément. Pardon? Quoi? Non, mais... Ça n'a rien à voir, Adrien, c'est que tu ne supportais pas les invités, enfin. Blague à chaque fois, ça suffit maintenant. C'est vrai. Alors, Adrien, qu'est-ce que tu as apprécié récemment, culturellement? Du coup, parce que ça fait si longtemps. Mais arrose-moi. Tu veux dire début septembre? Non, là, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, vu que les gens écoutent un peu l'émission quand ils veulent, ça peut être très large. Ah, plusieurs ou alors, un, je vais juste du franchement, coup, là, faire une pause. À la one again la plus totale. Il n'y a aucun jugement. D'accord. Et pas un truc qui est vendu sur Amazon, sinon ça fait placement de produit. Ah merde. Il y a plein de trucs qui sont vendus sur Amazon. Bah, c'est galère, justement. Ouais, c'est très chiant. Juste deux secondes, je cherche le titre. Donc je ferai une réponse, genre, eh bien. Comme ça, je monte encore. Voilà pourquoi j'aime pas monter. Mec. Alors. Donc alors. Alors, je vais dire plusieurs trucs du coup. Mais je vais faire vite. Il y a une BD de Mathieu Sapin qui s'appelle. Comme un sapin? Comme un sapin, exactement pareil. C'est hyper facile pour s'en rappeler. Tu penses, c'était quel arbre? Un sapin. C'était un sapin, le mec. C'est vraiment trop bien. Mais c'est un homme, c'est un humain. Ah oui, ok. Qui s'appelle Gérard. Ça te fait rire ta propre blague? Bah, un peu. Non, mais. Qui s'appelle Gérard, 5 années dans les pattes de Gérard Depardieu. Trop bien. Je l'ai lu aussi. C'est super. En fait, c'est juste donc Mathieu Sapin. Qui est un auteur de BD, et il a donc suivi Gérard Depardieu dans ses, j'allais dire, élucubrations. Mais c'est pas du tout ça, parce que c'est des... Ses voyages à travers le monde pour faire des trucs surréalistes. Tribulation, voilà. Et c'est cool parce qu'on apprend vachement sur le personnage qu'est Depardieu. Bah, qui est interprété depuis le début par Yvon Attal, d'ailleurs. Depuis le début. Non, depuis 78, je crois. Pardon, excuse-moi. Les valseuses, c'était vraiment Depardieu. C'est comme Paul McCartney. Il y a la légende comme quoi il est mort et il a été remplacé par un sosie, vous saviez ça? Ah, moi j'entends ça sur Avril Lavigne. C'est vrai. Ils ont recyclé une vieille. Avril Lavigne, il y a eu des trucs de fans et tout ça. Qui disent, qu'on dit, elle est morte, arrêtez, elle est morte. Ils ont recyclé une vieille rumeur de McCartney. Ils ont mesuré McCartney, les trucs entre ses yeux, ils disaient non, mais ça correspond. Non, mais elle a fait une carrière assez longue pour mourir. Ça n'a pas marché. Surtout qu'on sortit un sosie qui n'a pas vendu d'album, c'est ça le problème. Pour McCartney, bon, évidemment, c'est pas vrai, mais tu comprends quoi. Tu dis, le mec, il fait partie. Avril Lavigne, tu fais bon, bah, c'est pas grave. On va perdre un peu d'argent, mais pas de ouf non plus, quoi. Bon, bref. Donc, c'est super, Mathieu Très Sapin, super auteur, hyper drôle, hyper. J'adore. Il a pas fait ça sur François Hollande. Il a fait ça, je l'ai commencé sa BD sur l'Élysée. Il a fait aussi une BD sur la campagne de François Hollande. C'est ça. Et il est super, c'est un super auteur. Et ce qui est cool à chaque fois, c'est qu'il se met en scène dedans. Moi, j'ai lu aussi un peu, c'est que tu le vois au début, à l'approche du projet, on lui propose l'état d'esprit, la première rencontre avec le gars. Voilà. C'est qui super, rend le truc marrant à lire. La narration est vraiment. Il se met en scène dedans en mode je suis une merde à côté de Depardieu, je suis hyper timide, tout ça. Ça rend le truc très, très marrant. Donc il y a ça qui est super. Sinon, j'ai regardé Dark Tourist sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez regardé. J'ai vu Dark. Ouais. C'est la suite, c'est la saison 2 de Dark. C'est après, ils sont en vacances, tranquille. Ils vont dans le passé. Ils disent, bon, on peut aller dans le passé, on va faire une semaine. Pénard, quoi. Non. Moi, j'ai commencé, mais comme je t'avais dit hors antenne, j'ai ce souci où quand ça ne parle pas anglais, ce n'est pas sous-titré. Genre, des fois, c'est dans quel pays où ils vont dans la première Colombie. Colombie. Premier épisode. Colombie. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui parle dans la langue de la Colombie, donc. L'espagnol. L'espagnol. J'allais dire colombien, putain. C'est ça, en tout cas. J'allais dire, et c'est pour ça que j'ai demandé à l'aide à Adrien. C'est pas sous-titré en français, donc c'est un peu chiant. Oui, mais en fait, il faut mettre les sous-titres en anglais. Bah, voilà. Oui. C'est la petite astuce. Allez, au prix où je paye, au prix où je paye Netflix, je vais mettre les sous-titres en anglais. C'est une fiction, malin. Va chier. Justement, tu m'entends dire... Va chier. Eh ben, avec plaisir. Non, en fait, c'est une série de documentaires. C'est un journaliste néo-zélandais. Et en fait, il va dans des lieux touristiques, mais axés sur le macabre, le truc un peu glauque, etc. Quoi. Ouais. Par exemple, puisque tu en as parlé, le premier épisode, il fait un circuit touristique dédié à... Marc Lavoine. Je spoil. Désolé. C'est fou. Non, il devait faire ça, mais comme Marc Lavoine était avec nous... Ouais. Il n'était pas dispo. Il a fait Pablo Escobar. Et parce qu'en fait, Pablo Escobar, je ne savais pas, mais il y a un quartier qui porte son nom dans la ville de Medellín, là où il a œuvré, là d'où il venait. Il y a vraiment un quartier qui s'appelle le quartier Pablo Escobar, où il y a des fresques à la gloire de Pablo Escobar et tout. Et il y a des circuits touristiques, etc. Et en fait, il fait ça, il va rencontrer genre le tueur à gages de Pablo Escobar. Ah, le sueur était là, du coup. Voilà. Bah oui, parce qu'il parle espagnol, le mec. Et du coup, ça m'a c'est vrai que moi, au début, j'ai dit. Mais t'as flippé, ouais. C'est vrai que ça m'a surpris aussi. Je me suis dit, ah, peut-être qu'après, du coup, ils vont paraphraser ce qu'il a dit. Fait. Et en fait, non. Et en fait, du coup, j'ai changé de sous-titre. Et en plus, il fait une vanne, il fait, ah, bah, faites pas ça à moi. Je fais, ah, bon, bah, j'ai complètement passé à côté de la blague. Et c'est vachement bien. Peut-être qu'il a peur des représailles et qu'il dit, je veux bien témoigner, mais vous sous-titrez pas. C'est l'équivalent soft du vous me floutez, tu sais. Non, mais c'est vraiment super. Il va aussi à Fukushima, il va découvrir le vaudou en Afrique. Il va dans des endroits où il y a eu des essais nucléaires au Kazakhstan. Enfin, il fait plein de trucs. Et c'est des c'est trucs trop qu'on ne trouve pas sur Booking. Assez absent de Booking. Il y a un peu un côté, alors justement, il en parle lui-même dedans, mais il y a un peu un côté Louis Theroux, je ne sais pas si, comment je traduis. Pour les gens qui... C'est un mec qui fait des documentaires justement aussi comme d'accord. ça et qui fait des documentaires sur des sujets un peu bizarres, etc. Et justement, bon, lui, il en parle parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit « tu te prends pour Louis Theroux bon, ». Bref, mais pour les gens qui connaissent Louis Theroux, ça va vous plaire. Et sinon, si vous aimez les trucs bizarres, ça va vous plaire aussi. Et puis, c'est bien, voilà. Mais n'empêche, sur TripAdvisor, Booking, je pense pas, mais TripAdvisor, j'avais fait des recherches des hôtels les plus glauques, les hôtels hantés, les manoirs, il y en a, cher monsieur. Oui. Et avec les commentaires des gens qui témoignent des apparitions qu'ils ont eues dans leur chambre, dans des manoirs en Écosse. Du coup, il y en a un où je voulais aller parce que, un des commentaires, évidemment, c'est dans un bled paumé, tout est paumé là-bas de toute manière, c'est magnifique, mais tout est toujours tout isolé. Et tu avais un commentaire d'un mec qui disait, enfin, il n'était pas content, alors qu'il était prévenu quand même que le château était hanté. Et il s'est réveillé le lendemain avec des traces de morsures de dents sur le front. Ah oui. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. Sauf que c'était en hiver et les routes sont fermées génial, en hiver en Écosse, donc j'ai pas pu y aller. Et son commentaire, c'était je suis choqué. Il se réveille avec des morsures de dents sur le front. C'était génial. C'est le mec, il avait un vieux suçon et il a fait genre oh là là. C'est sa femme qui m'a dit, mais c'est quoi ce truc? C'est un fantôme. J'étais dans un truc hanté. Va sur TripAdvisor. Va vérifier sur TripAdvisor dans 10 minutes. Tu sais, moi, je suis très. Moi, je crois pas trop au truc d'esprit, de fantôme et tout, donc j'imagine forcément le gérant qui, pendant la nuit, s'est mis au-dessus et qui mordit un peu le front. Qui se demande quelle est la limite, tu sais. Ça, j'ai le droit ou pas? Bon, si c'est un fantôme, ça va. Allez, je mordis le front. Je mordis un peu le front. Non, pff, vite fait. Tu avais autre chose, Adrien, à nous proposer? Bah oui, mais j'ai oublié. Donc peut-être si ça me revient, je vais pas monopoliser la parole. Tu voulais dire, plus, tu avais découvert les chips et que c'était incroyable. C'est charmé, les chips à la truffe. Voilà. Merci. Virginie. Oui. Qu'as-tu apprécié récemment, culturellement parlant? Le stand-up de Anna Gatsby sur. J'avais parié avec moi-même que t'allais dire ça. Ah, c'est vrai? Ouais. J'ai adoré. C'était pas compliqué vu que tout Facebook a. Waouh! Ouais. Wow. T'avais parié. Non, mais à juste titre. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne l'ont pas. Après, c'est vrai que je pense que notre public type l'a peut-être vu, mais est-ce que tu peux résumer en quelques mots pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui auraient peut-être envie de le voir? Alors, je mets des silences. Tu sais, c'est une situation de stand-up classique, d'une nana qui commence à raconter sa vie. Elle est hallucinante parce qu'il y a une espèce de montée. Enfin, moi, je ne l'ai pas vue venir, en fait, la petite baffe que je me suis pris dans la gueule, de tout d'un coup remettre en question ces années où, pendant très longtemps, elle est venue sur scène pour se moquer d'elle-même, être dans l'autodérision et de comprendre qu'elle n'avait jamais communiqué avec son public sa souffrance et ce qui la blessait. Et c'est fait de façon tellement intelligente. Enfin, je me suis matée deux fois. C'est vraiment quelque chose de très fort à vivre. D'accord. Ouais, c'est assez faisait... même dur à regarder. Elle te prend vraiment à la gorge, quoi. C'est fou. Ça fait vraiment du bien, donc c'est pas drôle, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas... Non. Mais si, en plus, il paraît que c'est quand même très drôle. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Mais c'est fou. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix, exactement. T'as bien dit le nom pour les gens. Anna Gatsby, et c'est le spectacle Nanette. Voilà. Ok. J'ai vu un truc. Oui, bon. Et à la fin, ils lui font une standing ovation parce qu'on se lève tous pour Nanette. Oh. Ils le disent, ils précisent que c'est pour ça qu'ils se lèvent. C'est une des vannes. Bah, c'est le moment où tout le monde chiale d'ailleurs. J'avoue que cette vanne nous a tous pris par surprise. C'est la claque. J'ai spoilé, pardon. C'est dur. Amy Schumer aussi, I Feel Pretty sur Netflix. Oui, j'ai vu parce qu'en fait, il est sorti au cinéma en France, en Angleterre et tout. Ouais. Alors, et pas en. Pas du tout, justement. Aux États-Unis et en Angleterre. Et en France, il n'est pas sorti au cinéma. Et du coup, j'ai vu que c'était Netflix qui le sortait en France, donc c'est plutôt cool. Mais c'est brillant. Ouais, c'est bien. Vraiment. Alors moi, j'attendais forcément un petit peu en me disant qu'est-ce que ça va être puisque le propos est la grossophobie et comment tu te sens avec ton image. Et j'avais vraiment peur puisque rapidement, le pitch, c'est une femme, donc Amy Schumer, si vous voyez un peu à quoi elle ressemble physiquement, qui tombe à la salle de sport et quand elle se relève, elle se regarde dans la glace. Ah oui, elle n'a absolument pas changé, mais elle se voit et elle se dit « Putain, mais qu'est-ce que je suis bonne !» Oui. Et tout le monde autour d'elle ne comprend pas pourquoi tout d'un coup. Mais à partir de là, elle adopte une attitude où elle a tellement confiance en elle que justement tout lui arrive, machin, etc. Et en fait, c'est hyper... j'ai été très émue encore. Putain, qu'est-ce que je chiale, moi Chialeuse. Chialeuse. Non, mais c'est un film qui te fait te sentir bien avec ton corps, qui n'est pas du tout dans le shaming, que ce soit genre sur les minces, par exemple, parce qu'elle travaille dans un milieu où il n'y a que des bombasses, etc. Il y a justement Emrata. Enfin... Comment elle s'appelle? Émilie Ratajkowski. On oublie son vrai nom. Ouais. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai découvert dans le film, je ne connaissais pas. Et c'était... Vraiment, je t'ai regardé comme ça. Et du coup, voilà, on est sur le fait que tout le monde a des complexes. Et moi, ce qui me faisait plaisir, c'est que j'avais peur que ce soit, vous savez, dans ce film où, avec Gwyneth Paltrow, c'était bien ça, non? Il y a un an, c'est même pas le message. Je me rappelle plus de la finalité de ce film. Des frères Farrelly. C'est plutôt plutôt très grossophobe finalement comme film, puisque il y a cette espèce de truc de il la voit pas comme elle est, c'est-à-dire gros, son truc est sublimé. Ça veut dire que Gwyneth Paltrow mince est de fait beaucoup plus belle qu'une Gwyneth Paltrow grosse. Donc déjà, ça pose un souci de comment tu vois la beauté, parce que ça veut dire que si t'es plus mince, t'es plus belle, parce que sinon, il la verrait comme elle est. Elle est sublimée parce qu'elle est mince. Donc c'est quand même un peu... Et puis elle se déguise, après, en gros. Comme elle est grosse, elle mange énormément et elle mange 15 fois plus que tout le monde parce qu'elle est grosse et forcément les gros mangent plus, Elle finit le coca plus vite, Elle prend, elle se dit, c'est incroyable, C'est incroyable, ma meuf est super bonne et pourtant elle mange comme, comme une vache. Je pense vraiment que les Farrelly se sont dit non, mais le héros sera Jack Black, donc c'est bon. Parce qu'il est un c'est peu. Gros. Il est pas ouais. super. Et voilà, et lui, il est jamais shamé du début à la fin, alors que. Alors que bonjour, comment il est gros. Ouais. Le gars qui a pas compris du tout. Le mec, c'est un gros porc. Et ce que j'ai bien aimé voilà, dans le film avec Amy Schumer, c'est que quand elle se regarde. Et à un moment, du coup, elle retombe et elle se revoit dans la glace et elle a perdu toute sa confiance en elle. Jamais, quand on la voit dans ses yeux, on voit que sa silhouette est modifiée ni quoi que ce soit. Mmh. C'est juste qu'elle a gagné à un moment confiance en elle. Et ça t'explique qu'à partir du moment où tu commences un peu à te kiffer, les gens ne voient plus que la partie de toi de meuf super bonne, que tu sois grosse ou pas. Donc j'ai kiffé. T'as plus spoilé que moi avec Marc Lavoine, là. Non, parce que j'ai pas raconté tout ce qui s'est passé. Ah, il faut pas dire. Juste raconter le début et la fin. Mais par contre, c'est trop bien. Il y a un super personnage masculin aussi. Mais c'est... Qui est joué par... Et on dira pas qui c'est. Mais par contre, je trouve ça trop trop bien que des comédies américaines comme ça vont se trouver un public en France en sortant sur Netflix... Parce que ça a toujours été une tannasse de voir... Moi, je sais que j'essayais de voir les Will Ferrell au cinéma. Même problème. Et que c'est toujours une tannée pour les voir. Je pense que le dernier que j'ai pu voir, ça devait être Moi Député, je pense. C'est The Campaign. L'époque. Ouais. Qu'ils avaient appelé Moi Député grâce à François Hollande. Il n'y avait que l'UGC Orient Express au Hall qui passait la comédie américaine. Qui avait diffusé Encoreman et qui avait diffusé Léa Pato. Ouais, c'est très compliqué. Pour le coup, Trainwreck, qui était le film d'avant d'Amy Schumer, est sorti au cinéma. Ouais, mais pareil, on était deux dans la salle. Quoi. Et donc là, c'est cool si tous ces films ont une nouvelle vie sur Netflix et tout. Ça va... Là, j'ai vu, il y a quasiment tous les Will Ferrell, il y a quelques Seth Rogen, il y a tous les Apatow. Donc voilà, nous, c'est vrai que moi, personnellement, c'est les comédies américaines que je kiffe. Et donc, du coup, vous pouvez vous faire une belle petite pelletée sur Netflix. On peut peut-être dire à Netflix, si vous voulez sponsoriser le... Oh, donner de la thune. Ouais, parce qu'en fait, c'est à chaque fois, c'est ça. À chaque fois, on dit qu'ils sont super et tout. Donc, donnez-nous. Il faut qu'on pense un peu. Les sous-titres sont un peu à chier. Et je dis ça alors que c'est les concurrents d'Amazon Vidéo. Je suis quand même honnête. Ouais. Non, et puis les séries Marvel sont pas ouf sur Netflix. On peut dire ça quand même. C'est vrai. Les séries Marvel sont pas ouf. Attends, j'ai un excuse-moi. Un podcast que j'ai découvert. Non, l'escu. Énorme l'escu. Change ma vie. Nul. Par rapport à nous. Le podcast. Ah, c'est pas à choix que c'est pour le podcast. Non, mais on va les Oscars, tu sais. On va te laisser. Non, vas-y, fais ton truc. On va surtout pas te couper. J'aime pas trop les livres de développement personnel parce que je trouve ça très long. Puis des podcasts de développement personnel français, ça manque encore. Et en vrai, donc Change ma vie, c'est un podcast de Nana qui s'appelle Claire Castille. Déjà un ordre. Et change ma vie quoi, genre est-ce que tu pourrais changer ma vie? Okay, non mais bah, nous tu vois c'est bon. À la base ça s'appelait Change ma vie pour connasse. L'instant c'est moins bien que nous. Pour l'instant c'est moins bien que nous. Non mais attendez, elle est super. J'arrête. Mais je crois qu'elle a un peu changé en fait elle a décidé de dans un podcast qui dure à peu près 20 minutes pour le moment beaucoup plus court que nous, donc moins bien. De balayer les grands courants de pensée du développement personnel qui est beaucoup plus travaillé aux États-Unis, et elle reprend tous les principes de, je sais pas, loi de l'attraction, de la communication non violente, etc. Et en fait, moi, j'ai écouté genre 20 minutes dans le métro. Et dès la première écoute, elle te donne des petites clés, des trucs tout cons, des choses concrètes qui manquent dans le développement personnel. Genre, ce soir, par exemple, quand vous rentrez, vous pensez à ce truc qui vous saoule. Et voilà les étapes, machin, etc. Et du coup, je me suis tout tapée. Et vraiment, je l'ai conseillé à plein de potes qui ne sont pas du tout développement personnel. Ça gonfle. Et ça leur a fait beaucoup de bien. Donc, j'imagine que ça peut faire du bien à des gens. Ça s'appelle Change ma vie. Et ça te rend très positif. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à jeter une oreille après avoir écouté évidemment tous les podcasts. Laissez 5 étoiles. Tweeter, laisser des commentaires, évidemment, tout ça. Après. Tous les tarés apprécieront. Non, je plaisante, évidemment. Je viens de m'abonner pendant que tu parlais. Céline, genre. Est-ce que tu as quelque chose à conseiller à nos amis auditeurs? Je vais encore, puisqu'on est dans la lancée Netflix, j'ai envie de dire, et que j'y passe beaucoup de temps, forcément, puisque je ne sors pas beaucoup, donc je reste beaucoup chez moi et je regarde beaucoup de films. Et là, dernièrement, j'ai regardé un film fort sympathique. Il faudrait que je vérifie le budget du film parce qu'il n'a pas dû coûter grand-chose. Il y a deux acteurs et le concept est très simple. C'est filmé en POV, en caméra subjective. Et ça s'appelle Creep. Donc là, j'ai vu le deuxième qui est excellent. Et le concept, spoil, c'est un mec donc, qui met une petite annonce pour dire j'ai besoin d'un caméraman pour une journée, c'est payé 1 000 $. Il faut juste que vous soyez prêts à... C'est pas un tournage col de moustache, déjà. Et donc, ça commence comme ça que la petite annonce. Et donc, tu as le mec qui arrive avec sa caméra dans une baraque un peu isolée qui se retrouve face à ce gars qui l'emploie et c'est pas du tout ce qu'il doit filmer. Et forcément, ça dégénère. Et j'ai beaucoup... Là, j'ai vu le deuxième et je vais quand même spoiler le début de l'histoire que j'ai trouvé très mignonne parce qu'en fait... ça m'a fait penser au discours que j'ai par rapport au porno, tout simplement, parce que le mec dit qu'il est serial killer. Mais c'est très mignon parce qu'en fait, il confie que ça fait des années qu'il tue, il a déjà une trentaine de victimes. Jusque-là, ça se passait plutôt bien, c'était cool, il avait du plaisir. Et puis, depuis le dernier, en fait, il s'est passé un truc, c'est la routine, c'est un peu devenu un boulot, et du coup, il est triste. Et il cherche un peu de joie, finalement. Il cherche un peu d'inspiration pour retrouver ses joies de serial killer. Et j'ai trouvé ça... je valide ce genre de... Moi, je valide ce genre de concept. Ça me convient. Mais c'est de l'humour noir ou pas du tout? Ouais, c'est de l'humour noir. D'accord. Okay. On dirait un vrai gars. C'est horrible. Tu viens d'avouer que t'as tué des gens. Donc c'est le bien, plus gros spoil qu'on a vu dans le podcast. Ouais, c'est sympathique. D'accord. Sympathique, ouais. Donc, Creep, ça s'appelle. Ouais. D'accord, très bien, avec mon bel accent anglais. Aurélien, oui. Quelque chose que tu apprécies culturellement, que tu as envie de partager? Alors ouais, avec moi j'ai tous. Découvert un truc sympa et tout qui est pas mal pour, enfin ça s'appelle sympa Netflix. Et tout, ouais. D'accord. Sympa, ça s'appelle Netflix, c'est une plateforme mais où il y a plein de séries, de films. Non, moi pas un truc nouveau, mais en ce moment je suis à fond sur un truc qui est pas sur Netflix. C'est possible, ouais. Non, je me refais les Curb Your Enthusiasm. Bah, bien sûr. En ce moment. On a déjà parlé sûrement dans cette émission, j'imagine. Même pas sûr. Cette série, c'est une série qui est, je sais pas si ça vous parle, mesdemoiselles, messieurs, bon, Adrien, je crois que si. C'est une de mes séries préférées. Et Flo-Flo aussi. Flo-Flo. Je suis OK avec ça, moi. Il n'y a pas de souci. C'est une série de Larry David. Larry David, c'est le créateur de Seinfeld, l'autre série culte des années 90 avec Friends. Le co-créateur avec Jerry Seinfeld, du coup, pour le coup. Et après Seinfeld, ça fait du coup maintenant peut-être depuis les années début 2000, il fait de temps en temps une petite saison de sa série qui s'appelle Curb Your Enthusiasm, qui raconte les aventures de lui à Los Angeles en tant que milliardaire, ancien créateur de Seinfeld, qui n'a pas trop de problèmes d'argent et qui a surtout envie de se prendre la tête avec les gens sur des codes de société. Ouais. Sur des petits trucs de la vie comme ça, tu vois, sauf que lui, il lâche rien. Est-ce qu'il se coule les poignets comme marrant. Toi des petits trucs de la vie. Mais c'est pas filmé. Ah merde, putain. Tu oublies ça. C'est dommage. Et j'adore. J'ai cassé ta caméra. Et le mec est ultra sympathique. En plus, il est chauve, donc ça me parle vachement. Et on peut le voir où? Alors en fait, ouais, c'est un peu galère à voir. À l'époque... déjà, je galérais. Là, j'ai un bon plan, mais faut avoir une connaissance qui est à Canal+. Ah. Ok. Et qui te file ses identifiants Canal. Ou payer un abonnement. C'est ça. Non, mais moi, j'avais Canal, mais j'ai arrêté avec Bolloré. Voilà, il est parti, c'est bon. Parti, hein. Ouais, mais quand même. Ouais, t'as pas d'argent. Ça me fait pauvre. C'est trop cher Canal+. Non mais en fait c'est pas mal parce que maintenant il y a plus le foot machin tout ça, mais ils ont aussi des partenariats avec OCS tout ça et genre cinéma, pas que les chaînes Canal, plein de trucs machin bidule. Sur OCS alors. Et du coup voilà, quand t'as My Canal de nos jours, tu as accès à tous les trucs OCS, donc qui vont de Game of Thrones jusqu'à toutes les séries OCS, HBO. Du coup tu peux sur OCS aussi. Tout simplement parce que c'est moins cher. OCS. Ça va beaucoup plus vite du coup pour toi. Il n'a pas besoin de trouver quelqu'un qui a Canal pour te filer ses identifiants comme moi. Là, tu viens quand même de dire, si vous avez besoin d'un cendrier, achetez une Ferrari. Il y a un cendrier dedans. Un cendrier, sinon. Trouvez un pote qui a une Ferrari, il vous la prête. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Oui, et du coup, ouais, sur OCS, tu as cette série, tu as 9 saisons. Et voilà, ça s'appelle Curb Your Enthusiasm. Voilà. Larry et son nombril. Ouais, en français, ça peut s'appeler Larry et son nombril ou Cache ta joie. C'est un peu le bordel. C'est québécois, Cache ta joie, je crois, non? Parce que des fois, il y a écrit ça au début, tu te dis, mais pourquoi il y a écrit ça? Parce qu'il y a une meilleure traduction que Larry et son nombril. Mais oui, qui fait un peu mégalo. Ce qui est marrant, c'est que tu as dit il est très sympathique. Bah moi je l'adore, mais il est antipathique de moi. J'ai des gens qui m'ont dit j'ai pas pu regarder, le mec il est insupportable. C'est même sur Platane, on me dit pareil des fois, on me dit mais je peux pas regarder. En vrai, Platane, il a vraiment fait son Curb. Il l'avoue, hein. C'est clairement ça. Mais parce que moi c'est mon héros en fait, Larry David. C'est l'américain milliardaire. En fait c'est pas tant ça, c'est plus que le mec il est toutes les petites incivilités, tu vois, les gens, enfin c'est vraiment des trucs sur des détails, j'ai pas d'exemple là. Genre par exemple quelqu'un qui, en fait il y a un exemple, c'est un moment il est en train de faire la queue pour dans un resto je crois, et il y a quelqu'un qui va dire bonjour à quelqu'un qui est devant lui, il lui fait ah salut ça va et tout machin, Donc, il parle 10 secondes et après, la personne, elle reste à côté d'elle pour faire la queue. Il lui dit non, vous allez derrière, en fait, parce que là, vous lui avez parlé, mais il n'y a aucune raison. En fait, genre, vous le connaissez, mais il demande au gars. Oui, il dit, ça se voit que vous ne le connaissez pas tellement et tout. Et le gars, vous le connaissez vraiment? Pas trop. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Allez, vous retournez derrière et tout. Et c'est que des trucs comme ça où il y a des petites insultes. Et sauf que derrière, ça lui retombe dessus. Dans le même épisode, il veut se cacher à un moment donné dans un glacier. Du coup, il rentre dans le truc et il se fait embrouiller par les gens parce qu'il pense qu'il est en train de faire ça. Donc, il est obligé de sortir du glacier et il tombe sur un mec qui voulait pas rencontrer. Voilà. Et en fait, il y a toujours Chaque fois, il est puni. Il est puni, mais c'est pas la souffrance. Parce que moi, j'adore les séries anglaises, Ricky Gervais, tout ça et tout. Mais souvent, t'as des séries sur la gêne, le malaise. Ouais. Et tu souffres un peu avec le mec. Tu regardes The Office, c'est incroyable. C'est mais tu souffres pour le mec. Alors que dans cette série, c'est la seule série qui a ce mécanisme-là, mais où tu t'en branles. Parce que le gars s'en fout, en fait. Il est au-dessus de ça. Ouais. Et il est prêt à perdre un projet de long métrage avec Kate Winslet pour une connerie. Il préfère avoir raison sur une connerie que ce truc-là, quoi. Et du coup, c'est hyper agréable à regarder. Voilà, j'adore. Ouais. Mais il y a des gens qui détestent aussi. Donc voilà. Puis la première saison est un peu vieille maintenant. Je me remets le début. Et puis c'est moins frais au début. C'est plus à l'ancienne. Plus ça va, plus c'est un peu burlesque et plus c'est génial. Mais c'est très cool. Ouais. J'ai retrouvé le truc. Je vais essayer de faire vite. Ça s'appelle Les Bleus, une autre histoire de France. C'est une BD. C'est sur Netflix, pardon. C'est un documentaire sur les Bleus, l'équipe de France en fait. Et en fait, mais l'angle est intéressant parce que ça parle de la. L'équipe de les bleus quoi. Mais comme ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Non, et en fait c'est l'angle intéressant parce que ça ça parle de la portée politique en fait du football et toutes les conséquences que ça a, etc. Et ça part de 98 jusqu'à 2016 en fait. D'accord. Et ça monte et en fait et quand ça s'arrête au moment où du coup il y a pas Macron, c'est bien, c'est pas mal. En fait, ce qui est un peu cool, c'est qu'ils disent et cette nouvelle équipe machin va aller en Russie et peut-être effacer un peu toutes les galères qu'il y a eu avant. Et nous, on le regarde maintenant, on fait, eh ben ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et il y a plein de trucs vraiment, même que j'avais oublié. C'est du coup qui est hyper, c'est sociologique. Ça montre toutes les récupérations, tous les trucs, tous les problèmes d'identité en fait qui ont été greffés à l'équipe de France. Tout le racisme en fait qui est en France en fait aussi, parce que moi il y avait des trucs que j'avais complètement oubliés, comme par exemple. Après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, qui a été un peu un fiasco parce que les joueurs ont fait grève, sont rebellés contre Raymond Domenech, etc. Que c'est là où les joueurs ont été qualifiés de racailles, machin, etc. Et donc ça revient là-dessus. Et après, ils ont viré Raymond Domenech. Ils ont mis Laurent Blanc à sa place. Et une des décisions de Laurent Blanc, ça a été de supprimer les buffets halal pour les joueurs. Et tu te dis, mais genre... Quel rapport, quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment... Mais d'ailleurs, ils ont pris Laurent Blanc parce qu'il y avait Blanc. Là, c'est juste du racisme, en fait. Genre, quel rapport entre, tu vois, manger halal et... Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc du genre... Il avait compris halal, je crois. Et il a déjà des problèmes d'haleine de base. Mais il adore l'ail, donc il se serait laissé tenter. Ce qui fait que... Non, et des trucs comme ça, et c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Voilà, donc j'ai regardé ça aujourd'hui, et c'est vraiment cool. Je vais le regarder. Même si on n'aime pas le foot, je pense que... Moi, je pense que tu es à fond dedans parce que tu l'as vu aujourd'hui. En même temps, je trouve ça super intéressant. C'est intéressant, je pense qu'en vrai, ça parle pas de tant de... Mais j'aimerais beaucoup qu'on fasse la même chose avec le curling, parce que là, pour le coup, ça m'intéresse, tu vois, c'est quand même quelque chose... Les portées sociologiques sont moindres. En fait, c'est un court métrage. Bon, bah écoutez, plein de petites recommandations que les auditeurs peuvent se noter tranquillement. Vous êtes parti en vacances ou pas un peu cet été? Attends, juste excuse-moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit Marc Lavoine. J'étais parti en vacances avec lui. C'est vrai, pardon. Marc Lavoine. T'es parti en vacances, t'as Virginie un petit peu? Ouais, j'ai pris 4 jours. C'est peu. Bah, c'est très peu. C'est très, très peu. C'est très peu. Tu en pars ou pas? C'est juste que t'as pas réussi à travailler pendant 4 jours. C'est pas vraiment des vacances. C'était un peu ça en plus. Mais t'as eu l'air de te régaler. Ouais, c'était plutôt cool parce que je suis partie avec beaucoup d'enfants. J'ai vraiment eu. Ce qui, dont le tien est. Voilà. Comme Curb, ça peut être l'horreur pour d'autres gens. C'est vraiment le paradis des uns et l'enfer des autres. Et c'était magique parce que le principe, c'était vraiment de traîner qu'avec eux et j'étais plus dans leur camp que celui de mes parents. D'accord. Et j'étais juste heureuse parce qu'on faisait des bombes dans l'eau et qu'on était heureux de manger des pâtes. Alors, donc Camille, ça, c'est pas il a 4 ans. Ah, c'est l'âge des enfants. Il y avait 6 mois, 4 ans, 5 ans et demi, 13 ans. Est-ce que... Non, 8 ans, excuse-moi. Oui, 13 ans, il a dû se faire chier de fou. Non, elle faisait très grand. Et moi Est-ce qu'on est... D'accord. Moi, je suis... en fait, ma petite amie, j'ai 11 ans, bonjour. ma meuf, en fait, a une petite sœur. qui est très jeune, qui a 4-5 ans. Et on est allé à Disney ensemble, et en fait, c'est une petite fille qui habite à côté de Disney. Et les parents ont plutôt de l'argent, donc ils l'amènent assez souvent à Disney. Ils ont la carte, la carte illimitée, machin. Et on y est allé. Ça revient moins cher. Beaucoup. En fait, tu vas deux fois, tu as remboursé ta carte, en gros. Et donc là, on y est allé. Pas justifié d'être riche. J'ai fait Amazon, je me suis construit. Je vous emmerde. Et donc là, la petite subtilité, c'est qu'elle y allait toute seule avec ma meuf, donc sa sœur et moi, sa demi-sœur et moi. Et donc on y va. Et j'ai été extrêmement choqué de l'ingratitude des enfants. Ça, c'est très agaçant. Est-ce que tu l'as dit à ta meuf ou elle va l'apprendre en écoutant Déjà, ma meuf n'écoute pas ce podcast, sinon je pense qu'elle m'aurait quitté. Attention, mais en fait, je pense que c'est parce qu'elle me déteste, il faut rappeler. En grande partie. Je pense pas que ce soit que elle. Je pense qu'il y a quand même un truc où peut-être j'étais trop en attente de quelque chose. C'est de la projection, c'est ce que j'allais dire. Ou peut-être le fait qu'elle est très riche peut-être aussi peut créer de l'ingratitude si elle a eu tout dans sa vie. Parce que là, j'ai fait genre l'ingratitude des enfants, j'avais envie de la cogner. Donc, est-ce que tu as peut-être. Est-ce qu'elle est mineure? Pour toi, aller chez Disney, c'était déjà un truc de ouf. Il chialait en arrivant, donc forcément. Mais c'était un truc de ouf pour toi, parce que déjà, tu étais moins prêt géographiquement et que c'était vraiment l'événement d'aller à Euro Disney. Ta demi-belle-sœur, on va dire ta belle-sœur, c'est ta belle-sœur. C'est ma belle-sœur, mais qui a 5 ans, donc toujours un peu. Ta belle-sœur, elle habite à côté, donc c'est. Tu vois, c'est un parc d'attractions. Elle n'a pas la notion de. C'est marrant parce que ça coûte 80 balles pour un enfant. Moi, j'étais même pas là-dessus. Je connais des adultes qui n'ont pas aimé Disney. Pourquoi est-ce qu'un enfant n'aura le droit de. Elle est à fond. Elle est à fond. Ouais, c'est bof, tu vois. Elle est à fond. Elle était chaude d'aller avec nous en plus. Mais pour elle, ça peut être juste l'extension d'un quartier de Paris qui est plutôt cool. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un vrai truc de. Je pense qu'on a ça quand il va souvent, ça devient juste un quartier, effectivement. C'est moins de l'ingratitude. Pendant deux ans, vous ne connaissez pas cet enfant, vous n'êtes pas apte. Souvent, elle est affreuse. Elle trouve que c'est pas la hauteur, le parc, c'est tout. C'est vrai que des fois, c'est crade. C'était pas la première fois qu'elle y allait alors. C'était pas la première fois qu'elle y allait, mais c'était juste. C'est que, en fait. Dis-nous les infos. Tu voulais les yeux qui brillent. Non, pas du tout. Elle t'a craché à la gueule. Littéralement. Dans la caisse en retour. C'est ça le problème. Dis tout de suite. Attends, on prend un Taxify et pas un Uber. Elle m'appelle Flo Merde au lieu de Florent. C'est un peu dur. Tu rigoles, Adrien, mais enfin, le premier caprice a quand même été c'est pas la route qu'on prend avec mon papa d'habitude. Et ça, j'ai vraiment été extrêmement énervé. Mais ça, c'est pas un caprice, c'est une remarque. Ah, bah si, parce qu'elle faisait la gueule. Ah oui, ça c'est chiant. Ça m'a beaucoup énervé. Elle a 5 ans. Après, elle a 5 ans. Mais c'est son père. Je la soutenais quand elle était à 2 ans et que je disais, mais c'est une terrible tout. Et ceci dit, il y a un terrible fort, mais elle est à 5, donc non. Non, mais elle est très gentille. Il faut dire que son père est mort la semaine dernière. Peut-être ça a joué. On fait la gueule. On fait la gueule pour un oui, pour un non. Donc en fait, c'est ça l'idée, quoi. Non, mais du coup, je me posais la question. Mais par contre, c'est important de lui faire la remarque. Ah, moi j'ai été insupportable. Ah, bah c'est très bien. J'ai vraiment. En fait, c'est ce que j'explique à ma mère. Tu veux dire que ta copine n'est pas à la hauteur en termes d'éducation? C'est sa demi-sœur. C'est très compliqué. T'es encore plus éloigné d'elle. Et c'est exactement pour ça que je me permets. Ouais. C'est parce que, en fait, vu que je la connais, je fais au pire, je m'en fous. Qui est ce monsieur qui me dit. C'est ça? Non, mais en plus, je suis vraiment. Il n'y a aucune logique dans ce que vous dites. Donc, plus on est éloigné d'un enfant, plus on doit faire son éducation. En fait, non, c'est pas du tout ça que je dis. Pas du tout. Les remarques ont du poids. C'est exactement ça. Et que moi, en plus, je m'en fous un peu. En fait, elle me fait la gueule, je fais en vrai, c'est pas tu vois, elle a 5 ans, c'est pas ma soeur, tu vois. Au pire, je la vois moins de temps en temps et c'est pas très grave, quoi. Non, mais je fais le truc de super nanny, je me mets à son niveau, je fais écoute-moi bien, tu m'écoutes maintenant, tu me regardes dans les yeux, ce que je voulais te dire, et voilà. Et du coup, elle s'en bat les couilles, non, justement, ça marche de fois 1000. Elle a pas chialé, ça marchait fois 1000. Mais faut faire attention, le truc de super nanny, parce que c'est pas si ouf. Bon, si c'est pas ma fille, je m'en branle. Elle est morte la première, donc quoi, ça marche pas, c'est chaud. Non, mais faut mourir pour que ça marche, faut mourir après. Elle s'est fait tabassée par des mômes. C'est comme ça qu'elle est morte. Parce qu'en gros, les pédopsies, ils expliquent là que quand tu te mets à la hauteur de l'enfant, ça veut dire que tu t'adaptes. Ça baisse le dos déjà. Tu t'adaptes à leur monde. Voilà, et que, en fait, t'es en position de soumission parce que tu ne lui demandes pas de prendre de la hauteur et de regarder. Tu vois, donc en il vaut mieux mettre l'enfant sur un mur. Ouais, d'autres pédopsies disent il faut le soulever par la gorge pour le mettre au niveau de ton regard. Du coup, moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire ça avec mon fils. Bon, maintenant il me dépasse presque, donc. Mais il est pas loin. Arrête. Il est loin, je pense. T'exagères beaucoup. Il fait quand même 2,10 m. Il fait du 32 en pied, ça n'a pas de sens. C'est beaucoup plus loin. C'est pas la hauteur, ça c'est. Tu piques tes propres pieds. On a 30 ans d'écart. Je suis très. Bah oui. Et bah donc pourquoi affirmer des insensés super comme précis. Quoi tu finis par justifier le fait qu'il est petit. Oui, c'est vrai. Tu commences non, par dire qu'il est ça, plus grand. Ça fait, font des caprices après. Aurélien, t'es parti où toi en vacances? Oh putain, je m'y attendais pas. Bah moi je suis comme ça. C'est... Pourtant il a posé la question juste avant. Ouais, c'est clair, mais on était sur les enfants. C'est j'avais vrai. Plein ah, de vannes à faire sur son fils que je retenais. J'étais là-dessus. C'est flow de classe, ça, ça va d'un point à un. T'as 5 secondes pour faire toutes les blagues sur son fils que t'avais vu. Non, parce que je crois qu'il est majeur et tout. Et non, mineur, il est mineur. Mineur. Et je sais plus ce qu'on peut dire. Genre mineur au cinéma. Exactement. Un sketch de Flaubert sur Golden Moustache. Moi, j'étais en Corse en vacances. C'était bien. Et on peut presque dire que c'est la première fois que j'y allais, vu que c'était la deuxième. Par rapport à une échelle. Pour quelqu'un qui serait allé un million de c'est fois. Ça, exactement. Mais après, pour quelqu'un qui est allé zéro fois, ça reste la deuxième fois. Ouais, ce mec, je le défonce, quoi. Ce mec-là, il se dit, oh le bâtard. Non, en fait, j'y avais été une fois, mais genre au mois de mai et 5 jours. Alors que là, j'y suis allé plein juillet, pendant 16 jours, dans une maison qui donc était un enfoiré, suffisamment en fait. Près de la plage pour y aller à pied, même si on n'aime pas marcher parce que c'était vraiment. Tu t'es baigné en rivière quand même, non? Allez-y. Non, j'ai pas fait la rivière. Ah, c'est très bien. Il y a plein de piscines naturelles. Bah, j'avais une maison qui était à côté ça, de la ça se fait la troisième fois, c'est quand il y avait la mer. Il n'y a pas que Flaubert qui a une meuf qui a de la thune, apparemment. C'est sa famille. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je voulais elle dire. Elle n'en a pas, je te. Non, Aurélien est dans ma team. Et du coup, c'était trop bien. Et ouais, je pense que je n'y ai pas pris goût parce que j'avais un peu peur. Tu sais, tu fais des vacances trop stylées. Après, tu te dis, mais ça se trouve, je ne vais plus être capable de faire des vacances habituelles de pauvre. Tu vois. Mais je crois que ça va. Si, si. Oui. Si, tu penses. T'as jamais fait des vacances stylées avant? Stylées au point d'une maison collée à la plage en Corse. Non, j'ai jamais fait. Moi, j'étais plus camping. Ah oui, pornique. T'as pas été un gras comme sa belle-sœur. C'est ce que t'as fait je la vais tête. Devenir, j'ai peur de devenir un gras et que Flaubert me chope à la gorge. Attends, t'as pris 2-3 raccourcis. J'ai pris personne par la gorge. Si, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. La prochaine fois, je la chope par la gorge. C'est ce qu'il a dit. C'est ça. Et j'étais en Corse et le seul truc notoire que je pourrais dire, c'est que c'était très triste d'être là-bas pendant la Coupe du Monde de foot. Parce qu'ils sont balèques. Car là-bas, ils sont pas très vives. On a gagné, par exemple, tu vois. Ouais. C'est plutôt, bah non, parce que c'est le continent. Exactement. Ils ont gagné, quoi. Ouais. Et ils ont et gagné on ces fils de pute. Ouais. Non, j'exagère un peu, mais. Tu veux dire qu'ils sont racistes? Alors, je ne connais pas ce mot, je le découvre, mais je, pas, je ne me positionnerai pas. Non, mais j'interprète. Mais ça me paraît clair que c'est ce que tu dis. Tous les Corses sont racistes, c'est ça que tu dis. Je partage pas ton avis, mais voilà, s'il y a des Corses, ils seront ravis. Bah, je regarderai la définition en dictionnaire et je t'enverrai un texto demain pour te dire si je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, je ne sais pas. Et du coup, ouais, c'était sympa parce qu'il faisait beau quand tu disais on a gagné, mais par contre, personne disait oui en face. C'était ça le souci. En même temps, c'est pas vraiment le. On a gagné. Oui, oui personne fait... À Paris, c'était pas ça. J'ai vu les stories des gens, ouais, je croyais que c'était ça. C'est la folie. Oui, vous étiez où, vous, d'ailleurs, pour la Coupe du Monde? J'étais dans le Nord, dans un petit village complètement paumé avec des potes. D'accord, donc t'étais même pas... oui. J'ai vu, on a regardé tout. Et les gens disaient oui, quand même. Les gens disaient oui. Bah, j'étais sur un pont. Quand tu poses pas une question, les gens te... Non. Attends, pardon, Virginie, t'étais sur un pont? Ouais, en fait, tu sais, il y a la petite ceinture, donc t'as des voies désaffectées. Oui, voilà. Des voies de chemin de fer. C'est exactement ouais. Ça. Donc, porte de Vincennes. Il y en a même pas loin de chez moi. De... Là, y en a... ouais, elle passe à côté de chez et moi. Ben, on y va avec des potes pour faire des pique-niques parce qu'en en fait, on marche un peu, etc. Donc, on s'est foutu là. On a donc, vous petit... êtes des punks à chiens, en fait. C'est ça, le... d'accord. On s'est fait d'accord. Un petit barbecue. On a okay. Regardé les voitures sorti passer. Sorti les djembés. Sorti les bolasses. Et c'était trop bien parce que du coup, on profitait de la liesse sans être menacé par la foule, de se sentir pas bien, machin, etc. Ce qui est plutôt... Et vous avez regardé le match et ou pas? Oui, on a regardé le match et après on a été regarder les gens, mais du pont. Et ils ne pouvaient pas nous atteindre parce qu'il fallait 20 minutes pour aller. Bah, bien sûr, donc, il y a quelques entrées bien gardées. De... Et on s'est fait chauffer des merguez, c'était super, mettant de la musique. Bah, ça avait l'air plutôt Céline, sympa. Céline, tu as regardé toi ou pas du tout? Ouais, j'ai ouvert une petite fenêtre sur mon ordinateur en regardant un film en même temps. D'accord, en bouquinant, okay. Donc oui. Ouais, je me suis dit aller... En bouquinant, t'as dit non. Ouais, non, je faisais... Ah ouais, 50 activités en même temps. Je pense que c'est 3 trucs que t'as dû suivre, chambre et quoi. Et je me baignais. Chez moi. Je faisais des maths en même temps. Ouais, exactement. Ouais, non, je me suis dit, allez, je vais regarder, je vais écouter les... Presque par charité, au final. T'étais contente qu'on ait gagné, quand même. Je m'en foutais un peu. Non, je m'en fous, en fait. Bon, bah, je vais retourner encore, c'est pareil ici. Oui. Moi, j'étais au concert de Beyoncé. Ah, c'est et ouf, du coup, ils ont fait en sorte que l'écran géant diffuse le match juste avant le concert. Ah oui, avant, c'était avant. Ils ont branché des trucs et tout. Pendant qu'elle chantait derrière, il y avait le match et tout. Tout le monde dit « Ouais !» Beyoncé était genre « Bon, les gars, ça ouais, va. » Je suis en train de parler, en fait. Ouais, j'étais en train de... Et donc, ils ont mis l'écran géant avec le match avant. Et donc, du coup, c'était... Alors, moi, pareil, je suis pas très foot. Mais il y avait quand même un truc... Ouais. Là, t'as un stade, le stade de France, en plus. Donc là, où la France avait gagné 20 ans plus tôt. Dès qu'il y a un but qui... hurle vraiment un statue, et je me suis dit ouais, ah quand même il y a un truc un peu ouais c'est un truc un peu je pourrais cool, aller hein. voir du foot en stade alors que je suis pas très foot, je me suis ouais, dit ah, quand même l'ambiance comme ça c'est ouf ça, ouais ça transporte un ouais, peu ouais, le cœur quoi. Et après ils avaient mis les maillots avec les deux étoiles et tout. Jay-Z en fait ils l'ont passé, ils se le sont passés parce qu'ils ont le même nom de famille, ils sont mariés et moi il avait les deux étoiles. Ah, il était floqué à son nom, c'est pour ça que les gens se marient, en fait c'est pour avoir un maillot, ça fait partie des avantages. Beyoncé c'est ce qu'elle a dit, elle a fait moi c'était pour le maillot. Mais tu sais c'était mon premier match de foot que je voyais de ma vie en entier. C'est faux. C'est d'accord. Ah non, c'est vrai. Ah non, mais je... tu vas arrêter. T'étais au Stade de France aussi ? Non, je suis pas du tout. Checker. Non, je suis con, tu viens de dire. Ouais. Le mec, il n'écoute pas du tout. Parce qu'en fait, chez moi, ils ne regardent pas le foot. Et à chaque fois, j'ai eu des mecs, finalement, qui ne regardaient pas le foot. Et moi, je ne m'y intéressais pas. Donc, je ne regardais jamais. Et là, j'ai dit à un pote, putain, c'est fou, je n'ai jamais regardé un match en entier. J'avais vu quelques... Et il m'a dit, on va regarder la finale ensemble. C'est le premier match que tu as vu. Et c'est le premier match, même pour la Coupe du Monde 98. Je me baignais, je me souviens. J'avais entendu au loin, j'étais chez mes grands-parents, à Saint-Raphaël. Adrien, un avis ? Il dit non, bah, moi, le patriotisme, voilà, c'est qu'on se torche avec. Et du coup, non, mais c'était hyper cool parce que c'était hyper émouvant. Et du coup, j'ai. T'as chialé encore ? T'as vraiment regardé entièrement, t'as jamais décroché, t'étais pas un peu sur ton téléphone comme tous les connards de jeunes ? Non, moi j'ai fait ça, ouais, mec, j'ai vraiment fait ça. C'est vrai ? Faire quoi ? J'étais sur mon téléphone, des fois. Pendant le match ? Ouais. Et du coup, c'est la première fois que t'as regardé ça comme un film et tout, t'étais à fond dedans et tout. Et du coup, j'ai été hyper émue et ça me faisait de la peine à la fin pour les Croates parce que. Oh, mais non, mais ça y est. Mais non, mais je disais pas. Je disais pas que tu vas poser ce coute-là. T'as un coute-là dans les mains, j'aimerais que tu le poses. Tu as taillé toi-même. En fait, c'est comment c'est filmé. Après, on les voit se prendre la tête dans les mains et être vraiment triste. Et tout d'un coup, je réalise que c'est des petits gars de 18 ans, tu vois. Non, mais c'est des Croates. Peut-être pas quand même. Hein. C'était des Croates. Si, mais encore une fois, l'âge de ton fils, c'est ça. Tu exagères tout. Ils n'ont pas 18 ans. Ils avaient 11 ans. Il y a des mecs qui ont l'air d'avoir 18 ans. Ils ont quoi ? Ils ont 20 ans ? Ils ont quel âge, les joueurs de foot ? Mbappé, il a 19 ans. L'équipe de France est très jeune. Et les Croates, ils avaient plus 27 ans. Mbappé, il a 19 ans. C'est genre incroyable de faire du ah, c'est exactement les ce que j'ai entendu. 24 ans. Mais d'être aussi jeune que ça, c'est oui. Normalement, t'as 25-30 ans. Ils sont hyper jeunes, ils ont l'air. En Croatie, ils ont 57 ans même. Émus. Ouais. Et j'ai trouvé ça très joli. J'étais très contente de c'était vivre joli ça. De les voir pleurer. Non. Je crois que c'est pas ce que tu disais au début. Non, c'était plein d'émotions. Non, mais oui, non, mais c'est beau. C'est beau. Mais c'est bien quand tu ne montres pas trop les mecs pleurer quand tu gagnes. C'est vrai que c'est. Ça met hyper mal à l'aise parce que tu es très content et tout d'un coup tu les vois et tu te dis, waouh, ils vont rentrer chez eux, ils vont être tellement tristes. Oh, t'inquiète pas que tous les millions qui se font ces mecs-là pour quoi ? Ouais, mais je crois qu'ils le font vraiment pour gagner. Enfin, ils avaient l'air. Que dalle. Mais non, ils avaient qu'à mieux jouer. Enfin, je sais pas. Bah, t'as raison. Mais ils jouaient bien. C'est pas si compliqué de taper dans la baballe. Ils étaient forts, les Croates, non ? Ah ouais ? Moi, je les ai trouvés bien nuls. Adrien, d'ailleurs, t'as une chronique foot sur, ouais. sur RMC. Depuis la Coupe du Monde, là, ça m'a foutu dedans. Là. J'ai un compte Insta. Mais oui. D'ailleurs, ça s'appelle Foutu dedans. Ouais, ça s'appelle Foutu pour Foutu, ça s'appelle. Et quand une équipe perd, tu les enchaînes. Quoi. C'est bien de chialer, mais peut-être fallait se lever plus tôt pour aller à l'entraînement. Tu vois, ce genre de truc, tu vois. Où je dis, moi, tu me donnes autant de millions, moi, je le gagne le match. Hein. Moi, je cours, tu vois. Des trucs comme ça, des trucs qu'on n'y pense pas, mais voilà. Ah oui, tu les mets à l'amende, quoi. Ouais, grave. Je suis un peu le nouveau Pierre Ménès. Céline, t'es partie, toi, en vacances ? Ouais, je suis partie en juin, 5 jours à Bali, à Nusa Lambongan, pour faire du surf. J'étais trop c'est vrai contente. Que ça manquait des 37 000 activités que tu faisais. Le surf, c'était ouais, celle qui manquait. J'en avais fait qu'une seule fois dans ma vie. Là, c'était la deuxième fois et ça a confirmé le fait que c'est trop la classe. Quoi. En fait, même si tu es sur des toutes petites vagues, que tu es débutante, tu as des super sensations. Donc, c'était vraiment le pied. C'était trop court, mais c'était 5 bons jours à prendre. Et après, je suis partie 2 semaines en Thaïlande. Des vacances, mais en mode studieuse, puisque c'était pour faire un stage de massage thaï. T'as appris à faire des massages ouais, thaï. Ouais, ouais. D'accord. C'était trop bien. Du coup, je vais y retourner pour. C'est pas très radiophonique, mais peut-être que tu pourrais nous montrer sur chacun d'entre nous pendant une demi-heure. C'est tellement d'activité, c'est incroyable. D'accord. Mais ouais, putain, mais c'est quoi le concept du massage thaï? J'aime bien apprendre des choses à chaque fois que je pars. Massage thaï, c'est au sol habillé, donc il n'y a pas d'huile. Enfin, il y a du massage thaï à l'huile, mais le massage traditionnel, donc c'est au sol sur un futon, quoi. Un futon, exactement. Ouais. Et c'est beaucoup de manipulations, d'étirements, de pression. On marche sur le dos et tout. C'est ça, possible, ouais. C'est quand on du coup, c'est sort hyper de la physique pièce. Quand tu fais. Ouais, c'est physique. En fait, c'est très proche du yoga, en fait. Okay. Et finalement, quand tu fais du massage thaï, ça te fait du bien à toi aussi, parce que tu as des postures qui t'étirent également. Donc, c'est super intéressant. Et du coup, on en avait marre, parce qu'en fait, on se masse. Entre élèves. D'accord. Okay. Et en fin de journée, t'en as ras-le-bol, quoi. T'as pas envie qu'on te touche et tu te dis. T'es une flaque de peau. Exactement. Laisse-moi faire un petit déménagement et après. On sature du contact, quoi. C'est mais ça. Bon, d'accord. Tu dois apprendre que des mauvaises nouvelles pour être tendu à nouveau. recevoir des lettres, des impôts. Oh là, ok. c'était bien cool. D'accord. Et en fait, du coup, pendant 2 semaines, mais t'as pas fini ta formation, c'est ça? Bah si, j'ai fait une formation premier niveau. D'accord. Et puis là, j'ai envie d'y retourner pour approfondir et faire plusieurs stages pour faire niveau thérapeutique. D'accord. Mais là, c'est vraiment un truc costaud, quoi, où vraiment on approfondit et ça prend plusieurs mois. D'accord. Okay. Et tu, pardon, je t'ai coupé. T'allais dire quelque chose? J'avais fini ma phrase, je comptais plus parler. non, mais parce que tu comptes le faire, d'en faire une activité. Bah en fait, pourquoi pas? Mais tout ce que je fais, tu sais, en général, enfin tout ce que je fais, c'est vraiment ça. C'est tiens, ça m'intéresse, j'ai envie d'apprendre. Mmh. J'ai appris un premier truc, j'ai envie d'approfondir et au bout d'un moment, je dis si autant ça peut se connecter à mes autres activités. Et c'est vrai que tout ce que je fais, finalement, ça devient à un certain niveau, ça finit par être professionnel, mais ça part toujours au départ d'une envie, d'une curiosité. Juste le plaisir d'apprendre, en fait. Mais a priori, d'accord. Plus les massages thaïlandais que le surf risque de devenir une activité professionnelle. Certes. Quoi qu'il y a le surf, t'en as fait 2 fois. Ouais, t'es voilà. Pas comme cette connasse de belle-sœur de Flaubert qui est blasée de ouf. Pour l'instant, tu kiffes. Non, mais moi, je suis comme une gamine pour le coup. J'en peux plus, quoi. J'adorerais faire du surf. Ça dépend quelle gamine, parce que c'est une gamine. C'est un super pied, hein, pour revenir au massage thaï, moi je me suis fait masser pour la première fois de ma vie là pendant mes vacances. Ah je m'étais jamais fait masser. On t'a marché dessus? Eh ben non. On a justement, fait c'est pour ça que je suis surpris parce que alors moi m'a fait un massage mixte, ça s'appelle. C'est suédois et thaïlandais. Ouais, c'est il peut y avoir des mélanges. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc suédois, c'est le massage un peu plus connu que même. Tu peux faire à ta meuf ou que ta meuf peut te faire, à savoir c'est à l'huile, c'est mal fait, quoi. C'est le pouce avec un peu d'huile, c'est ça, ouais. Et effectivement il y avait un peu de taille où elle me prenait le bras et qu'elle me faisait des... Mais moi c'est comment dire, ça me fait trop rire, en fait. C'était trop, j'ai eu des crises de fou rire, des jules, mais même la situation était un peu je sais pas, il y avait les aventures de Ralph Jacob. Mais faut pas faire ça, faut couper la télé aux Philippines, ça se fait que sur le DVD de Ralph Jacob, c'est très bizarre. Non, mais voilà, ma meuf, elle avait déjà fait, parce que je vous rappelle que ce sont des bourgeois. Et du coup, elle était en train de s'endormir. Et voilà. Et moi, vraiment, je cherchais à l'aide du regard, parce qu'il y avait vraiment la musique zen. Enfin, c'était quand même. C'était trop en fait, ridicule. T'étais dans un scénar, quoi. Ouais. C'est ça le problème. Et vraiment, la personne, elle me prenait le bras et ça me faisait un peu. À partir du moment où tu te dis ne ris pas, c'est compliqué. C'est ça. Et après, elle s'est attaquée à mes pieds. Si tu commences à analyser tout ce que tu vis, bah, du coup, tu te relâches pas. C'est ça. Et tout le moindre contact, ça va être une chatouille, ça va être un truc intrusif, donc tu vas dis pas qu'il la de lâcher pousser, prise. Donc, ouais, c'est non, ça. Non, mais c'est ça. Il n'est pas dans le lâcher prise. Et en fait, dès le début, j'ai eu un tu peu. Vois, un... Il faut que tu changes ta vie, en fait. Mais c'est sûr, c'est certain. Je conseille un podcast. Non, en fait, il faut savoir que la première scène de cette situation de m'a Rabbi fait Jacob. Rire, oui. Parce qu'en fait, c'est ma meuf qui a l'habitude et qui, en fait, quand elle s'allonge, se met torse nu, en fait. Pour s'allonger sur le truc, devant deux meufs qu'on connaît pas. Ouais. Ah bah, et déjà, dès là, j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sors ma teub? Est-ce que j'attends qu'elle s'embrasse? Qu'est-ce qu'on fait? C'est mignon! Et j'étais genre. Clara, ils t'ont pas filé des strings jetables horribles? Parce que ça me met mal à l'aise. Surtout pour les mecs. Surtout pour les mecs. Hein. T'as un string jetable en avec écrit c'est qui le patron? Je pense qu'elle m'aurait donné ça, je l'aurais mis sur ma tête. Tu vois, comme un petit chapeau. Donc t'as gardé ton caleçon, tout ça. Ouais. Mais même le caleçon, à un moment, elle s'est permis de remonter le tissu du caleçon pour masquer la cuisse. C'est là genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le moment où ça vrille? Est-ce que si je dis rien, ça va continuer. Alors, en massage, on nous apprend, parce que j'ai aussi fait une formation en massage justement à l'huile. Suédois, ouais, c'est ça. Bah, suédois, californien, Abhyanga, j'ai suivi ça pendant un an. Et en fait, on t'explique que pour les mecs, surtout lorsque c'est un premier massage, lorsque la femme masse, il vaut mieux éviter le ventre. Tu vois, ouais. Autant les fesses, ça fait du bien, ça relaxe. Ouais, c'est trop mais bien les fesses, c'est plus une zone érotique pour les femmes, alors que les hommes, apparemment, c'est beaucoup plus le ventre. Il vaut mieux éviter d'aller... Ça dépend, surtout si tu vas violemment sur les fesses. Mais on nous explique aussi que si, à un moment donné, il y a une réaction du corps du client... Qui est souvent naturelle. On le gifle. On parle de bander. Faut pas forcément mal le prendre. Et prendre ça comme une agression finir. Vous prenez non plus. Voilà. On est détente. Est-ce qu'il faut l'ignorer Nous, on nous disait, c'est toujours bien d'avoir des serviettes à disposition. Dans ce cas-là, tu mets une serviette par-dessus, genre, ok, j'ai vu, mais je vais pas. Le serpent d'air. Le chapiteau, là. Faut pas culpabiliser parce que t'en as qui le prennent mal et qui sont gênés. Dites-vous que je me suis mis au caleçon car j'allais voir une ostéopathe qui me faisait des manipulations. Au boxeur, alors. Non, je mettais des slips, j'étais petit, là je parle de, j'avais des bagues. Et j'allais voir une ostéopathe parce que je faisais des migraines. Et cette ostéopathe, j'avais peur d'avoir une érection. Bah oui. Je me suis mis au caleçon pour que ça se voit moins si ça arrivait. Parce que les caleçons, c'est pas cohérent. Lâche. Le slip, ça va se voir direct. Non, mais t'étais jeune, donc t'avais J'étais suffisamment jeune pour récupérer les caleçons de mon beau-père à l'époque. C'était vraiment une autre époque. Ouais. Bon, tout est dégueu. Et ça n'a jamais pris, parce que l'ostéopathe était pas. Très bizarre. Non, puis en plus, j'étais juste gêné de me foutre en caleçon. L'ostéopathie, c'est pas ultra sensuel, quoi. Oui, mais même, il avait pas un âge où il avait déjà été beaucoup manipulé par. C'était juste le fait de mettre. En sous-vêtements, avec une personne étrangère. Évidemment. Et du coup, moi je bande là, alors que juste d'en parler. Non, mais moi, le truc qui m'a gêné un peu comme ça, où je me suis dit, il y a un médecin, c'est bizarre, est-ce qu'ils vont si loin d'habitude? Là, j'ai un truc horrible. Le toucher rectal de monsieur Poitrenaud, je le connais. Non, c'était en gros, je m'étais jamais fait vérifier les grains de beauté. Il faut regarder partout. Non, mais c'est ça. Et à 25 ans, il faut regarder partout. Alors, moi, personne n'a jamais vérifié. Vous me laissez finir? Parce que justement, on va arriver à ce moment. Tu le sais. Sinon, j'en parlerai pas. Bah oui, à 25 ans, on me dit, attends, t'as jamais vérifié. Il y a Akim Omiye qui me dit, moi, ça a été super important. Ça m'a sauvé la vie, machin et tout. Je dis, ok. Donc, moi, en plus. Grosse flippette. Énorme flippette. Je commence à prendre le rendez-vous le plus urgent du monde et tout. Je prends la première personne qui vient et tout. Et j'y vais. La personne n'est pas. Docteur Guigui. Aïe. La personne n'est pas à l'aise. Et effectivement, elle m'a très vite écarté un tout petit peu les fesses pour voir à l'intérieur. Mm-hmm. Et ça m'a surpris un peu. Et elle t'a craché dans le cul. Ça, c'est là où elle est trop loin. Ça, c'est les esthéticiennes. C'est la garde à vue, elle ça, non ça, hein. Et surtout, non, elle me l'a fait vraiment comme un rideau. Tu sais, pour genre... tu vois, il y avait un truc, pour pas être gênée. Elle s'est dit, en mode ninja, il sentira peut-être pas. Si je suis rapide, c'est... Elle s'est dit peut-être qu'il se dira qu'il a rêvé. C'est en chantant une chanson, quoi. Pour le refrain. Non. Hop là. Et donc voilà. Et donc, j'en ai parlé. Pas de grain de beauté, ni de traces de merde. Et vraiment, j'avais envie de lui dire. Non, parce que ça peut arriver. Prévenez, hein. Ouais. J'avais envie de lui dire. Qu'il y avait un grain de beauté là et qu'il avait peur. Sous les testicules et tout ça. Oui, il faut regarder sous les testicules. Oui, les testicules, oui. Mais les testicules, surtout, je croyais que c'en était. Elle m'a dit non, c'est juste des petites blessures. Qui arrive quand on est petit. Des morsures. Non. Quand tu vas dans une maison hantée. Putain, elle a été dans l'hôtel. Vraiment, particulièrement. T'as été dans l'hôtel. Non, mais j'avais des petites, je sais pas comment on appelle ça. Non. Des vaisseaux, c'est les vaisseaux explosés. Des vaisseaux explosés, apparemment. Ouais, mais attends. Okay. Les vaisseaux, ça explose pas comme ça, quoi. Genre, il y a. Génial. Oui. Mais tu t'enterreras pas comme ça. C'est genre, tu te branles de ouf. C'est quand ça t'a fait. Il avait 8 ans. Non, c'est quand j'ai. Ça, c'était. Bon, alors, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai eu une hernie testiculaire et donc c'est lié à ça. Voilà. Tu racontes ta vie quand même, là. Je me suis un peu lâché. J'ai bien aimé le je vais pas raconter ma vie. Je regrette, du coup, de t'avoir accusé de te branler comme un ouf. Non, mais aussi, mais c'est pas lié. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bah moi, je suis parti aux Philippines. C'est là où je me suis fait masser. Bah voilà. Et attends, pour ton montage, ça sera plus fluide. T'es parti en vacances, toi, Flaubert? Non, t'inquiète, la fluidité, tu sais, on a. Marc Lavoine. Ça fait longtemps qu'on a laissé tomber. Oui, je suis parti aux Philippines. Et bah, c'était très beau. C'est vraiment un beau pays. Très beau. Il a dit, ok. Dragon Ball Z. Pardon, très, je suis désolée de l'avoir relevé, mais vraiment. Non, mais on essaie de choper beau, ouais, le public un peu. On adore les geeks. Aller du côté des plages. Alors, des nous ne sommes pas allés à Manille parce qu'en fait, c'est pas ouf. Non, enfin, Manille, non, c'est non, un Manille, peu. C'est pas, voilà, c'est pas dingue. En fait, on s'est vite barré. On est allé à Cebu. Ouais. Mais pareil, on n'est pas resté très longtemps parce que c'était pas beau. C'est beau. Faut dire c'est beau. Non, je t'ai dit c'est beau tout à l'heure. Bon, je allez, suis arrête. Mort. J'ai arrêté ta anecdote. Tu m'insupportes. Non, et après, on était sur les petites îles un peu cool, donc El Nido et l'autre qui était trop bien. Le ferry est très long. Ouais. Très, très long, le ferry. Oui, donc les destinations de Bourges, des Philippines. Voilà, c'est bah, ça. Il était avec sa meuf. Hein. J'étais avec ma meuf. Et non, le meilleur cette truc. Cette connasse de. Non, non, non, elle était pas là. Non, elle était pas. Non, le meilleur truc qu'on a fait, c'est Bohol. Et j'ai trouvé ça formidable. Bohol, c'est une petite île. Suzanne Bohol. Ah, moi j'avais Usain Bohol. Ouais, mais trop évident. Et je m'étais dit, ah, le Bohol d'être allé là-bas, quoi. Voilà. J'ai... Allez, on se l'est juste dit à nous. Heureusement que vous l'avez pas dit à l'antenne. Une bohorte de Kaamelott. De Kaamelott. Eh, dis donc, vous débarroulez maintenant. Ça sent le jambon. Oh, mais quand même, dis donc. C'est une citation de Kaamelott. Et du coup, là-bas, il y a des petits lémuriens. Oh oui, qui sont en fait des lémuriens. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement mignon. Qui en fait, on te dit, alors faut pas faire de bruit, sinon ça leur fait faire des crises cardiaques. Ouais, c'est les slow-loris. Ah merde. Non, ça s'appelle les. Ah, j'ai oublié le nom. C'est ceux qui ont des énormes les yeux. Oui, les tarsiers. Mais oui. Mais c'est les ah oui. Mais c'est ça. Il y avait des vidéos qui tournaient. Ouais, on disait, c'est trop mignon, mais en fait, ils ont enlevé les glandes. Là, tu as participé à l'exploitation animale. Bravo. Eh bien, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'en fait, on t'explique qu'il faut pas faire de bruit, ils ont des crises cardiaques et tout. Et vraiment, les gens qui bossent là-bas s'en battent les couilles. Il faut pas aller là-bas. Regardez là-bas, c'est le truc là. Et donc le truc en plus, il est très lent, donc vraiment il se réveille et il te regarde comme un genre. Mec, tu me saoules. Je vais mourir. Dans 7 secondes, je fais une attaque cardiaque. Je vais faire une attaque, c'est incroyable. Il y a vraiment tout un commerce un peu bizarre de ces. Mais après, je pense que c'est parce que c'est un pays pas très riche aussi, je pense. Oui. Qui profite de. Mais non, mais c'est parce que nous, si on était hyper mignons quand on faisait une crise cardiaque, je suis désolé, on en ferait beaucoup plus. C'est juste une question. Non, mais effectivement, il y avait beaucoup de pubs, même pour prendre des photos avec des tigres, avec des serpents. Tout ça, on a évité. Tout ça, on a évité. Mais après, juste le fait de louer un scooter et de rouler, c'est des paysages magnifiques. Et en plus, c'était pendant la saison des pluies, donc tout on nous aime, mais vous êtes trop cons, c'est pendant la saison des pluies. Et en fait, moi j'ai trouvé ça plutôt cool parce que saison des pluies, ça veut pas dire pluie tout le temps. Il y avait quand même des journées magnifiques où il faisait quand même 35 degrés et t'es sur la plage et c'est trop bien. Mais t'as aussi un côté un peu aventure qui est trop bien à visiter la forêt sous la pluie. Enfin, j'ai trouvé du coup, ça. C'était mieux que Disneyland. C'était un peu mieux que Disneyland. Alors, c'est pas le même prix non plus. La petite, je l'aurais abandonné là-bas, je pense. J'aurais laissé sur un canoë. Et on a découvert une des 7 nouvelles merveilles du monde. Et ça m'a fait rire parce que je savais pas qu'il y avait 7 nouvelles. Merveille du monde. La saison 2. Ouais. Incroyable. Et en même temps, tu te dis, c'est logique parce que cette merveille du monde, tu te dis, oui, c'est pas beaucoup quand même pour le monde entier. C'est quand même. On n'a plus le droit de fabriquer des trucs, ça sert à rien. C'est ça. Patrick Beau qui est à l'origine de cette deuxième saison. Vraiment. C'est ça. Et du coup, c'est une grotte qui s'est formée au fil du temps, en fait. Donc, c'est une grotte naturelle. Pas avec ouf, une des... Non, mais en fait, à la base, c'était un rocher. Parce que c'est le principe d'une grotte. Donc, depuis moi, des millions ça, d'années. Non, mais genre, elle est inhabitée. C'est et un en fait... rocher, il y a un trou dedans. Donc, allez, c'est bon. Il y a un peu d'eau qui passe, c'est ça. Non, mais il y a de l'eau qui passe et c'est magnifique. Ouais. C'est unique. Et tu avances avec des lampes torches dans un canoë dans le noir. Ça s'appelle un canoë de la spéléo. Ça s'appelle de la spéléo. Voilà, ça existe depuis. C'est pas une merveille du monde. On peut dire que la spéléo, c'est chambé. Je l'ai fait en colo. C'était pas une merveille. Tu l'as fait où? Je l'ai fait dans le Jura. C'est moins bien. Voilà, on m'a pas dit c'est une merveille du monde. Tu t'es fait avoir. Ils ont dit là, l'hôtel là, c'est la 12e merveille du monde. Ah bah j'y vais. Tu t'es fait avoir, mon pote. Non, mais en tout cas, c'était. C'était une escape game en fait. C'est ça. Non, mais c'était magnifique en tout cas. Donc voilà. Mais t'as pas eu un voyage de l'enfer ou un truc comme ça en bateau en bus. J'ai vu une story où j'en avais vraiment très marre. En fait, ma meuf voulait faire toutes les îles et beaucoup se balader. Et moi, je suis moins comme ça. J'aime beaucoup l'hôtel tout le long le même. Ah, merde. Et on vient souvent. Mais moi. J'aime tellement ma meuf que je suis soumis et donc je suis soumis partout et on a fait ce qu'elle a dit, sauf que arrivé à un moment on fait ah mais attends, entre tel endroit on devait aller à putain une île du nord et pour redescendre à l'avion il y avait genre 15 heures de bateau. Ah, j'ai c'est fait dur. Un peu long. Ouais, un peu long, un peu énorme quand même. 15 heures bah, de quand ferry. Quand tu vois Titanic en 3h15, ils ont eu le temps de couler une fois. Donc du coup, 15 heures de ferry. Donc je fais un peu nul. Le piège. Et donc du coup, j'ai fait viens, on n'y va pas. Donc on a changé d'hôtel à la dernière minute. Et le seul endroit qu'on n'avait pas fait et qui était un peu cool était à 6 heures de bus. Et en fait, c'était pas des bus là-bas, c'est des vannes. Et c'était un petit van de 6 heures, trop petit, donc très mal aux jambes. Et que tu partages avec d'autres gens. Et des animaux. Non, mais bon, il faut aussi savoir un truc. on avait un chauffeur philippin qui lâchait des caisses. Oh, et que c'était bah, des caisses de l'au-delà. C'était infernal. Genre, mais... genre normal ou scred? Ah non, non, bah, comme si de rien n'était. Mais on les entendait. On les sentait surtout. Ouais, okay. Ah, okay, plus d'accord. Dans un je petit van. Il était militaire. Ouais, c'est plus sournois. Ouais. Non, non, il n'était pas genre wouh à chaque fois. Non, il était dans il coupait la musique. Attendez, attendez. Ouais. Pas mal ou pas? C'est Wham. Il lâchait des caisses en rythme. Il reste 5 heures. Mais il y avait pire, c'est que j'avais un Italien à côté de moi qui était extrêmement raciste. Ce qui était extrêmement raciste. Surtout qu'il soit italien. Non, mais il a été raciste petit à petit. Donc c'était très bizarre. Il commence à s'intéresser à nous. Ah, vous êtes français, c'est cool, là, c'est joli. J'adore Marc Lavoie. Paris, j'adore Marc Lavoie. Chaque fois, quand il commence à se lâcher, ils en lâchent une, deux, et toi, tu te dis rien, c'est de plus en plus violent. Il tâte le terrain, et surtout l'audace du gars qui donc explique qu'il y a beaucoup de musulmans. Et homophobe, probablement aussi. Hein. En tout cas, il était beaucoup sur les musulmans. Ouais. Qui était déjà quelque chose, et après il nous a dit ah Marine Le Pen super non, donc on fait bon allez on va arrêter de discuter, vraiment c'est un peu c'est relou, tu sais que tu prends le bus 6h avec heures, ouais, c'est chaud, et ouais. En plus de ça le chauffeur a mis un best-of de Shaggy de 8h donc le voyage enfin, de 8h vous l'avez pas entendu en entier, merde. Ah putain c'est génial, on en pouvait plus parce qu'en fait vous avez dû tellement Shaggy, vous marrer Shaggy, je sais pas si vous savez mais les chansons se ressemblent en fait. Wasemi c'est raciste, c'est à dire qu'au bout d'un moment c'était vraiment les chansons pas connues de Shaggy et c'était vraiment infernal. Moi, je trouve ça... Je serais content de découvrir les... Non. Parce que je le ferais pas spontanément, d'aller découvrir les chansons pas connues de Shaggy, mais je vais peut-être le faire, tu vois. Ce soir. Mais il a pas fait un album en duo avec Sting, c'est une vraie... Si. Je confonds. Son comeback, son comeback, c'est avec Sting. J'ai entendu ça au Japon. Tu confonds pas dans avec Francky Vincent et Evangeline. Je suis au Japon dans une friperie. C'est super affiche, elle est elle est folle, ouais. Et j'entends Sting et Francky J'entends Sting et Shaggy dans une friperie au Japon. Je dis, ah, marrant. Et après, j'entends une deuxième chanson. Une troisième chanson, parce que je suis resté un peu longtemps parce que j'essayais plein de fringues. J'adore les fringues. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette blague sur Insta, dans ma story? Les gens m'ont dit, non, non, mais ça vient de sortir, il y a un album de duo. Ah, c'est récent? Ouais, c'est sorti là, en avril, a priori. Donc je vais écouter ça tout de suite, Shaggy et Sting. Et c'est beaucoup sur l'amour et tout, machin. Ah bah oui, bien sûr. Sauf que t'as aussi... Moi, je les ai vus en live à la fête de la musique de France 2 à la télé, parce que on a tous des mardis soirs moyens, des fois. Donc je mens pas, parce que moi-même, j'ai mis en doute ce que je dis, parce que j'ai toujours pas vu de preuve. Non, et confiance en toi. Non, parce qu'on m'a dit que c'était vrai, mais... Ce qui était incroyable, c'est qu'en fait, ils faisaient un medley, mais en fait, un medley, ça marche pas quand c'est Sting et Shaggy. Donc c'était genre... Et après, Wasemi, et tu fais, bon, mec, ça ne se mélange pas du tout. Bah, si, il a raison, Waxan, c'est pas lui. c'est vrai. C'était juste, il posait les cartes sur table, quoi. On va enchaîner tout doucement. Alors, j'ai pas de thème, mais Céline. Je vais juste dire, apparemment, mes vacances, on s'en bat les couilles, mais ça, c'est pas grave. Alors, t'es parti en vacances? Non, mais c'est pas grave. En vrai, t'es pas parti. Mais si, je suis parti, mais c'est pas très intéressant. Ah, mais ce running gag est préparé. À chaque fois, il fait exprès de pas te demander. C'était pas fou? Non, si, c'était très bien, mais pas de quoi. Parce qu'en fait, vu que tu m'avais dit que t'allais partir en vacances, je supputais bêtement, mais c'est vrai que t'es parti. Tu suis parti, tu sais très bien, je suis parti. Tu pars beaucoup parce que t'as plein de thunes. Tu pars beaucoup, ouais. Pas du tout. Tout ça parce que tu bosses pas. Vraiment. Je suis parti chez ma sœur, j'ai rien payé du tout. Mais j'ai pas dit que t'étais riche. Rien payé, dit. Mais quelle pince. Même pas une bouteille de coca, un truc. Je participe pas aux courses là-bas. Et bien sûr que si. Bon, bah voilà. Oui, Céline. Oui. Tu m'as envoyé ton livre. Alors, j'ai pas eu le temps de tout lire. Je suis désolée, j'ai pas pu t'envoyer le. C'est pas grave, mais. Je t'ai envoyé le PDF. Quoi. Je l'achèterai avec grand plaisir. Livre que tu as sorti. Donc, est-ce que tu peux nous le résumer en deux, trois petits mots, peut-être, de quoi ça parle? C'est une autobiographie. Donc, c'est moi qui l'ai écrit. J'en avais envie depuis longtemps, mais il fallait que je prenne du recul avec mon ancienne carrière que j'ai arrêtée il y a environ 5 ans, un peu plus de 5 ans, dans le X. Donc, et en fait, je raconte mon parcours de gamine jusqu'à presque aujourd'hui. Donc voilà, mon enfance, mon rapport au corps, à la sexualité, et puis évidemment la case porno qui a eu quand même une grande importance dans ma vie, et surtout l'après qui pour moi est finalement le plus important. Alors après, en général, on me pose des questions sur le porno parce que c'est ce qui c'est toujours ce qui revient, mais c'est un peu dommage parce que finalement c'est beaucoup plus que ça, quoi. C'est vraiment un parcours initiatique. Mais moi, j'ai pas eu le temps de le finir, comme je te disais, parce que tu me l'as envoyé cette semaine et que j'ai pas eu le temps de tout le lire. Alors j'en suis, j'ai pris des petites notes. Est-ce que t'as lu La Prison? J'ai lu La Prison. Ah. Et d'ailleurs, je voulais t'emmener sur le terrain de La Prison. Je voulais savoir si tu pouvais nous raconter cette anecdote de prison. J'en suis à la confection du Flashlight. Ah, ok. J'en suis ici. T'as vu, j'ai bien avancé. Ouais, t'en es à la fin. Et alors justement, tu parles de prison. J'aimerais savoir si tu pouvais partager. Parce qu'en fait, donc le bouquin, je le trouve... En fait, c'est ça qui est bien, c'est que je trouve que même si on ne connaît pas, en fait, je le trouve plutôt intéressant, le livre, parce que y a beaucoup de recul. Tu te poses des questions au fil du livre aussi sur effectivement ton rapport au corps, ton rapport au porno, tout ça. mais c'est aussi plein de petites anecdotes qui se mélangent aussi avec des trucs perso. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien et je vous le conseille. C'est, Est-ce qu'il est en vente sur Amazon Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est sur, mais oui, il est sur Amazon. Tes films aussi, d'ailleurs, sont en vente sur Amazon. Enfin, tout. Il y a tout. Y a tout. On a tout. Y a tout sur Amazon. Je voulais juste peut-être dire qu'il Par faudra contre, dire le titre. Par contre, une vente aux enchères qui sera sur eBay. Waouh. On va en parler. On va en parler. Non, mais juste, quoi, on n'a pas dit le titre du film, du livre. Pardon. Ne dis pas que tu aimes ça. C'est ça. C'est chez Fayard. Chez Fayard. Et donc, dedans, il y a des petites anecdotes. Ouais. Il y a des anecdotes, des fois, j'en ai enlevé qui sont... beaucoup, ouais. Non, non, mais il y en a qui sont des fois pas forcément marrantes, où tu parles de trucs perso, sûr, ouais. de rencontres et tout. Tout ouais. Et il y a aussi des plutôt... Enfin, marrantes, je sais pas. Moi, en le lisant, j'ai moi, trouvé j'ai ça de rigolo. Tout, de toute Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire de prison, si ça ne te dérange c'est... pas? Oui, bah écoute, c'est pas un souci. Non, je comptais la garder, parce qu'en fait, le bouquin était beaucoup plus long au départ, et il se trouve que dans le contrat, il fallait respecter la contrainte des 250 pages. Et en fait, bah, quand j'ai écrit mon texte, j'avais aucune... Comme c'est la première fois que j'écrivais un bouquin, j'avais aucune idée du format. Et du coup, j'ai écrit l'équivalent de 650 pages. Donc, des histoires... Ce des qui est plus, hein, pour les amis qui ne sont pas très maths. Il y en avait beaucoup plus au départ. Mais je tenais à garder celle-là parce que c'est tellement absurde. En fait, je me suis retrouvée en prison au Mexique alors que j'étais... Ah. En fait, j'étais avec d'autres actrices et un acteur porno invité par une prod espagnole pour participer à un festival porno. En sachant que en fait, il s'agissait juste de faire des séances de dédicaces, des médias et des shows striptease. Donc c'était vraiment bon esprit en fait. Oui, puis c'était drivé. Enfin, et puis c'était ouais, c'était super bien organisé. Comme c'était la première fois, je crois que c'était la deuxième fois dans l'histoire du Mexique qu'il y avait un salon du X. C'était un truc énorme. C'est-à-dire qu'on a fait des plateaux télé, on avait nos photos dans la rue. Enfin, c'était vraiment la grosse actualité du moment. Et ça dérangeait quelqu'un qui était au placé dans... Enfin, ça a dérangé en fait un mec apparemment qui lui-même voulait organiser des festivals dans le même registre. Et il avait quelqu'un parmi ses contacts de bien placé au gouvernement. Donc en fait, ils nous ont envoyé les flics. Ils nous ont envoyé les flics en fin de journée le vendredi soir, soi-disant pour vérifier nos passeports. Ils nous ont embarqués. Pour soi-disant vérifier qu'on était bien en règle. Et forcément, bah là, c'est « Ah, bah non, mais pas de bol. » En fait, le commissariat ferme, en gros, pour le week-end. Donc, on va vous mettre en prison en attendant. Et puis, on verra ça plus tard. Mais en fait, il n'était pas du tout question de nous relâcher. Finalement, le but, c'était de nous garder plusieurs mois. Heureusement. Ah, plusieurs mois. Oui, c'était ce qui était prévu. Mais on a eu beaucoup de chance. Je ne suis restée qu'un week-end. Ah, c'est pour ça aussi que j'en ris. Parce que... Parce que sur le moment, je riais pas. Non, mais ce qui était drôle, vraiment, parce que je suis très fan des situations ridicules, en fait. Parce que quand je vis un truc ridicule, même si c'est moi qui est au centre de la situation ridicule, il y a toujours un côté de moi qui regarde la situation et qui me dit « Putain, quand même, ça craint, mais c'est tellement drôle. » Enfin, c'est tellement... C'est un peu, ouais, nous, dans ce podcast, c'est ça aussi. Et voilà, je sortais tout juste de scène. Et à l'époque, je n'avais pas vraiment beaucoup de goût vestimentaire. Donc, j'arrive, je suis vraiment habillée comme une pute, vraiment. Avec un ensemble, mais complètement déchiré, en jean, avec des plateformes shoes rose fluo. Vraiment, la tenue de Barbie, les paillettes, les fossiles, la totale. Toutes mes copines, elles, avaient pu se rhabiller en survêt. Ah, t'étais la seule? Et j'étais la seule. Et du coup, j'ai été embarquée. Je me suis retrouvée comme ça, habillée en gogo danseuse en prison. Heureusement, on n'était pas mélangés avec les mecs. Hein. Femmes d'un côté, les mecs de l'autre. Oui. Donc, il y avait au moins ça pour moi. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment fait ma maline. Et donc, bah, forcément, à ce moment-là, tu as tous les scénars de films en tête. Night Express. J'avais d'autres films en tête. C'est intéressant comme situation parce que... En fait, du coup, tout passe dans la tête. Au départ, tu rigoles, tu dis, faut pas se démoraliser, ça va bien se passer. Faut voir le côté positif. Ça fera une anecdote marrante à raconter dans un podcast. Et puis, on est médiatisé. Comment ils vont pas pouvoir nous enfermer qu'on a été médiatisé? Et puis, en fait, le lendemain, j'ai l'ambassade française au téléphone. Je leur dis, ils ont pris mon passeport, je suis en prison. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes au Mexique, c'est normal. Salut. Salut, quoi. Au moins, personne ne peut vous enlever pendant ce temps-là. J'ai dit, mais mince, en fait, il se peut que je reste là-dedans, quoi. Et en fait, on n'a rien à faire. On a juste nos cellules, la cour. Enfin, vraiment comme dans les films, avec des femmes qui sont là, qui tournent en rond et qui crient. Et tu te dis, merde, mais depuis combien de temps elles sont là? Qui taillent des brosses à dents pour faire des couteaux. Ouais, et puis les gardiennes qui sont des espèces de... de bulldogs mexicains, tu vois, vraiment la caricature, quoi, qui font bien la gueule, méchante comme tout. Et tu te dis, mais non, c'est pas possible, c'est une mauvaise blague. Et bon, enfin, moi, j'étais quand même en mode, faut pas que je me laisse aller. Enfin, tout de suite, je suis mise en mode survie. C'est bon, allez, les filles, ça sert à rien de chialer. Moi, je vais dormir, je vais avoir des forces. je vais me concentrer, quoi. Je vais me tatouer un truc sur le dos. Ouais. je vais voir qui dirige ici. Je vais planter celle qui a l'air d'être la chef. Je vais planter pour affirmer mon territoire direct. On sait jamais. Détente, mais on sait jamais. Faire une stratégie, tu vois. Et en fait, au moment où j'ai commencé à craquer, mais ça va super vite, parce qu'en l'espace de 2 jours, tu passes. C'est une bonne gastro. Émotionnel. J'ai eu droit aussi à ça. bah ouais, j'ai mangé l'haricot, fallait surtout pas. Ah, et la petite cerise sur le gâteau, ça, j'ai l'impression. C'était horrible. Ouais, c'est ça. Et non, mais vraiment, moi, ce qui a commencé vraiment à m'inquiéter, c'était pas tant le fait d'être enfermée, c'est de me dire, putain, mais mes parents ne savent pas que je fais du porno, et ils savent encore moins que je suis en prison. Donc, s'ils apprennent, ça fait 2 nouvelles d'un coup, ça fait beaucoup. Ah ouais. Ah, ils savaient pas. Et non, après, c'était une bonne façon de caler l'info. C'est mon métier depuis des années, mais je suis en prison. Ouais, donc, du coup, la préoccupation principale, c'est c'était avant tout, ok, on a droit à un coup de fil par jour, il faut qu'avec le décalage horaire, je me débrouille pour donner un coup de fil, ouais, c'est ça, pour donner un coup de fil à ma mère, au moins une fois par semaine, pour lui faire croire que tout va bien, et tu vois, pour c'était ça, mon plus gros stress, en fait. Et elle n'a jamais su, du coup. Pareil. Et comment vous en êtes sortie, du coup, de... Toi, ils t'ont donné d'autres fringues, quand même. Ouais, finalement... T'avais la tenue de Orange is the New Black. Mais ça a marché, vous avez raté un peu le festival, du coup. Bah ouais, le festival a été annulé, on a eu beaucoup de chance, parce que la prod ne nous a pas lâchés. Parce que je connais un hardeur français qui en revanche a été arrêté au Panama. Alors qu'en plus, il était dans une propriété privée, donc il n'y avait rien d'illégal. Mais bref, il y a eu des histoires, des embrouilles. Il a été embarqué, il allait en prison et la prod s'est barrée. Donc il est resté un an et demi en prison. Ouais, ça a été terrible pour lui. T'as les gens du porno qui ont envoyé de l'argent à sa femme. Un an et demi, c'est une histoire de film. Ouais, c'est vraiment. Puis là, c'est vraiment condition Midnight Express pour de vrai, quoi. Et nous, on a eu beaucoup de chance. Donc, la prod est restée là. Ils ont apporté des affaires. Ils ont apporté de la nourriture, mais ça a été confisqué. Ouais. Un gâteau avec une lime. Ils ont payé, quoi. D'accord. D'accord. Putain. Ouais. Mais, et après, on a été escortés à l'avion pour entrer aux US avec les menottes, la totale. Ça fait bizarre, en fait. En fait, c'est très bizarre parce que quand tu es dans ce personnage, il y a un côté... Tu prends très vite l'attitude du... ça te conforte, en fait, dans l'idée d'être mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que... D'un coup, t'étais badass. Ouais. Badass, je vois ce que tu veux dire. Donc, t'as un côté, c'est... Ouais, c'est quoi ton problème, quoi? Comme quand tu te déguises. Et en même temps, t'as très vite... t'as quand même la haine. T'as la haine. Ouais. Ça vient très vite. Alors, je n'ose pas imaginer quand t'es en détention depuis longtemps et en plus pour quelque chose qui... Oui, où tu te dis ça vaut, ça mérite pas tant. Ouais. Donc c'est, ça a été une bonne expérience. Ouais. Non, mais c'était une bonne expérience, d'autant plus que j'ai enchaîné, et je le raconte aussi dans le bouquin, avec 2 jours plus tard, le lendemain de ma sortie, j'étais à Hawaï, dans l'un des hôtels les plus luxueux de l'île de Maui, avec un millionnaire qui voulait m'épouser. Et je me suis sentie beaucoup plus oppressée en étant dans un bel hôtel avec ce mec qu'avec mes copines en prison. Et là, je lui dis, il y a peut-être une leçon à retenir là-dedans. Bah oui. Du coup, je suis retournée au Mexique. Mais non, avec d'autres fringues. Bah, moi, j'envisageais de me lancer dans le porno. Bah, tu vois, je suis pas sûr du coup maintenant. Il faut rester en France. Je suis vraiment pas sûr. Ouais. Ça m'a un peu refroidi, j'avoue. Ouais. Mais il y a plusieurs anecdotes comme ça dans le bouquin. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de le lire. Il y en a il n'y a pas que des trucs rigolos. Il y a aussi des trucs plus perso. Mais voilà, en tout cas, il est super cool. Et encore bravo pour ce livre. Qui s'appelle donc Ne me dis pas que tu. Ne dis pas que tu aimes ça. Virginie. Tu as sorti une bande dessinée, ou alors elle sort cette semaine, encore une fois. On est dans le futur, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas eu la chance de la lire. Moi, j'avais lu Collaboration Horizontale, qui était super. Ah, merci. Qui était vraiment une très bonne bande dessinée qui parlait. Merci. Ça s'appelait comment? Alors, l'ancienne, la BD que Virginie avait sortie s'appelait Collaboration Horizontale. Okay. De quoi ça parlait, Virginie? Je te laisse en parler. Alors, Collaboration Horizontale, ça parle de collaboration horizontale, c'est-à-dire les femmes qui avaient des relations sexuelles avec les soldats allemands pendant la guerre. Parce qu'à la base, c'est ma spécialité. Je suis spécialisée en histoire des fascismes. Et donc, du coup, j'ai fait mon mémoire là-dessus et j'ai décidé de faire une bande dessinée sur les femmes qui ont eu des des relations sexuelles avec des soldats. Mais sexuel et qui même et ça qui se mélange avec de l'amour aussi. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est, ouais. C'est une belle histoire d'amour. Ça. Ouais, alors du coup, la BD, oui, parle d'un immeuble de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale et d'une femme qui tombe amoureuse d'un SS. Enfin, non, des renseignements généraux. Mais, tu ne connais pas ta BD, tu n'as pas lu ta bande dessinée. Absolument. Non, mais parce qu'il ne faut pas confondre SS et l'Abwehr, qui était les renseignements du Troisième Reich. Voilà. Mais du coup, elle. Moi, je les confonds. Et je m'en bats les couilles. Ouais, mais t'es raciste aussi, Aurélien. Ouais, c'est ça. Tu confonds les nazis aussi. Non, mais parce que du coup, ils étaient vraiment à l'intérieur très fâchés avec les SS. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre. Bon, bref. Mais alors, fascisme, ça vient de fâcher. Non, ça vient de fâchi. C'est du vaisseau fasciste de la Starac et ça veut dire faisceau effectivement. C'est pour toi. Voilà. Okay. Et j'étais très contente de cette BD effectivement. Qui a eu son petit succès quand même. Ouais. Qui a été à la en tête de gondole à la FNAC. Pas dégueu pour une première BD. Et puis là, elle va sortir dans plein d'autres pays, donc c'est cool. Je suis très très contente. En Allemagne. Alors non, justement, l'Allemagne, pas chaud. L'Allemagne ne nous l'a pas acheté, effectivement. Ah tiens, comme par hasard. Ouais. Adrien, tu sous-entends que les Allemands sont toujours tous des nazis? C'est des lâches. Faut assumer, voilà. C'est bien, on est fâchés avec les Corses, les Italiens et les Allemands en un podcast. Je suis très heureux. Mais les Corses, j'adore. Hein. C'est juste sur le foot, c'était frustrant, mais j'ai très sinon, j'adore. Hein. Très mais sympa. T'as dit qu'ils étaient tous racistes. Ah, c'est vrai. J'ai oublié que les gens écoutaient. Ah oui, j'adore la Corse. Non, mais en vrai, c'est et donc, la nouvelle BD n'a rien à voir et presque plus personnelle. Je me lance un peu comme ça. Mais elle est ultra personnelle. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Oui, ça va être. Bon, c'est, du coup, une autobiographie de mon corps. Du coup, ouais. Donc, ça parle d'un petit combat que j'ai mené ces 12 dernières années, je pense, et de mon rapport au poids, au corps, à l'obésité, parce que j'ai été en obésité morbide pendant à peu près 15 ans. Après, j'ai perdu 55 kilos, donc ça, c'était il y a 3 ans. Et donc, du coup, j'ai perdu l'équivalent d'une personne. Et à partir du moment où j'ai perdu tout ce poids, ça a été très compliqué pour moi de retrouver ma personnalité, de savoir qui j'étais, de voir le regard des gens différents sur moi. Vous faites chier, c'est dur de faire des vannes, quoi. La prison, machin. Va caler Marc Lavoine dans cette histoire, Aurélien, je t'en supplie. Marc Lavoine. Non, mais ce que je trouve très intéressant avec ce que tu as envie de faire, c'est que c'est pas une. Alors, ça pourrait être très intéressant aussi, mais c'est pas une bande dessinée sur l'obésité morbide, justement. C'est sur l'après dont personne ne parle, en fait. Exactement. C'est sur la quête identitaire. C'est-à-dire comment ça se passe dans ta vie quand tu changes complètement de physique, comment tu t'adaptes au regard des gens, où tu mets ta colère, justement, sur les personnes qui te regardent, qui ne te regardaient pas avant. La colère que tu as d'être fière, d'être plus mince, toi qui t'es battu pour t'assumer, le fameux mot. Parce que moi, j'ai été modèle grande taille, j'étais plutôt fière et je disais à tout le monde que j'étais super à l'aise avec ça, alors que je ne l'étais pas et que je souffrais beaucoup. Et donc, du coup, il y avait toute une communauté qui me suivait parce que justement, je posais et je montrais qu'on pouvait être grosse et s'aimer. Et puis, tout d'un coup, j'ai commencé à perdre du poids, etc. Ça faisait comme si tu reniais. C'est dingue parce qu'il y a beaucoup de points communs. Oui. Avec nos parcours, je pense que finalement. C'est pour ça qu'il nous a fait venir. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est l'après effectivement qui est intéressant et il y a des gens qui n'acceptent pas, qui t'ont aimé pour ça soi-disant et qui n'acceptent pas. Moi aussi. Avant j'avais des cheveux. J'imagine. Ouais. On a des similitudes tous les trois. Hein. On peut se checker, je pense. Mais on parle pas de l'après et de tous les bouleversements, des séparations. Mais même de savoir toi qui t'es quand tu t'es construit, quand t'as tout construit ton personnage autour du poids et même tes rapports de séduction, etc. Et quand on t'enlève tout ça, enfin quand j'ai perdu tout ça, j'ai mis je pense un an et demi, 2 ans à retrouver je pense un équilibre personnel parce que c'était pas facile et du coup mon entourage a pas toujours réussi à suivre les variations parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie personnelle et vraiment pour le coup c'est arrivé et ça a été lié à ce changement d'identité. C'était très, très curieux comme période. Du coup, voilà, je... T'en as parlé dans une J'en BD. J'en ai parlé dans une BD qui s'appelle Moi en double. Qui c'est... sort... Ouais, c'est vachement plus personnel que l'autre parce que t'as couché avec deux nazis. Max, quoi. Enfin... Mais non, mais l'autre... moi plus. Ouais, c'est... Mais non, mais l'autre... Deux sur beaucoup. Non, mais si, mais en plus, ça va à l'autre BD, elle parle de mon arrière-grand-mère. Qui a été une tondue. D'accord. Donc, du coup, non, voilà. Ça calme ça. Réponse à tout. Allez, ça sert d'avoir des grand-mères tondues. Hein. Adrien. Pardon, il n'y a pas de quoi être fier. Excuse-moi. Déjà, elle regarde pas le foot. Et en plus, sa grand-mère, bah, je comprends du coup. Je comprends des choses du coup. Ah ouais, on couche avec les nazis, après on regarde pas la Coupe du Monde en 98. Bah, y a rien sans rien, pardon. Ça, ce sera dans ma chronique, ça. Du pour foutu, là. Beaucoup trop d'amour pour cette personne. Genre. Bah, ouais, non, je sais. Bah, sans ça, ce serait très compliqué ce qui va se passer. Ouais. Ah, putain, vous connaissez, grave. Putain. Okay. Je partais, j'avais mon sac. Ah, je suis pas nazi, mais elle aime bien quand même. De malaise. Ah, on plaisante, bien sûr. Une BD chez Delcourt, combien de pages? Putain, 150. D'accord, c'est une grosse BD, jeu de mots par rapport à c'est grosse. C'est une on peut gros roman graphique. Et du coup, je ne sais pas quand on sera au niveau, mais j'ai accepté pour la sortie de cette BD de monter sur scène. Donc normalement, ça sera passé et je serai très soulagée. Mais c'est gros... félicitations d'ailleurs. C'est super. C'est le 13 septembre. Peut-être ça va être. C'était. Ça va être peut-être entre les. On sait pas. Hier, je on pense. Sentier idéal où je suis montée. Où je suis montée sur scène, où je montrais sur scène. D'accord. Pour parler de mon rapport au. C'est quoi, c'est une sorte de TED Talk entre guillemets, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est 45 minutes. Tu filmes pas, t'enregistres pas en sonore. Je sais pas. Ouais, parce qu'en plus, j'ai vu que t'avais pris un peu le rythme sur Instagram. Oui. Où des fois, tu parles un peu avec des gens de plein de choses, une sorte de Macha Meryl, j'ai envie de dire, une sorte de Macha Meryl 2.0. C'est... En live sur Insta. Ouais, c'est pas Macha Béranger. Non. C'est qui Macha Meryl alors? Je sais plus. Macha Bérangère, je Et crois. C'est un TEDx Ouais, ça va être. Oui, c'est ça, ça va être une petite discussion. Et ça me terrorise, mais heureusement, c'est passé. Donc j'ai oui, c'est peur. Passé, c'est bon. Franchement, c'était pas ouf, mais ça va, quoi. Ouais. Vous viendrez. C'était la première fois. T'as pas mis les gens mal à l'aise. Ouais. Ça avait aucun intérêt, hein. Mais au moins... En plus, t'es déjà passé sur scène. Mais je suis restée 10 minutes, même pas 9 minutes. Je voulais venir, mais j'étais en scout, il pleuvait, j'avais la flemme de... Non, mais t'étais là, arrête. Je t'ai vu. Ouais, je t'ai vu, t'étais au premier rang. J'ai chialé. T'as chialé, bien sûr que oui, t'as chialé. Moi, je voulais venir, puis Adrien m'a dit non, mais laisse tomber, elle soutient les nazis. J'ai préféré éviter. Et donc oui, non, je t'amenais sur ce terrain d'Instagram, peut-être que tu n'en as strictement aucune envie, mais du coup, tu fais ça un peu de temps en temps. Est-ce que tu voudrais pas en faire, je sais pas, une émission de radio, un podcast, quelque chose Je sais pas, de parler avec les gens, oui, de discuter. Genre ambiance coach, tout ça. Coach ou même échange, tout simplement. Change de vie. Non, mais tu vois, un truc comme ça. En fait, je suis très touchée par les gens qui me suivent, du coup, sur Instagram. Parce que déjà lié à l'émission, donc c'était l'émission de radio, une émission de radio que je faisais avec une amie sur Mademoiselle, où on parlait beaucoup de sexualité. Il y a énormément de gens qui ont été amenés à nous suivre sur Instagram. Et quand l'émission s'est arrêtée, ils nous ont écrit pour nous demander des conseils amoureux, de sexe, etc. Et moi, énormément de gens qui m'écrivent pour me parler du rapport au corps et de comment je me vois physiquement, où j'en suis du parcours de la dysmorphophobie. Donc, ça veut dire se regarder dans la glace et pas se voir comment on est. Et de mes rapports et de mes difficultés à me trouver jolie ou des choses comme ça. Et du coup, de temps en temps, j'ai envie de faire des petits lives et c'est toujours cool de parler ensemble. Moi, j'aime bien ça. J'ai pas trop le temps. Ouais. C'est pour ça que c'est fait des beautés. Coucher avec moi de nazi, peut-être. J'ai arrêté, en fait. Vraiment. C'est pas facile, hein. Mais une fois que t'as mis les doigts dedans, c'est comme les Pringles, c'est un goût de revient-y. C'est un engrenage. C'est le slogan, d'ailleurs. Le nazi, il a un goût de revient-y. Oh, j'ai envie que ce soit le titre de cette émission. C'est ça que quand tu réponds en privé des fois à des gens sur des conseils, des trucs et tout, tu te dis en même temps, si j'avais dit ça publiquement, ça aurait pu aider aussi d'autres gens. Enfin, j'imagine que ça peut peut-être nourrir un peu l'envie. C'est ce qui se passe. Tu partages aussi des anecdotes des fois qui sont vraiment drôles. Oui, parce que j'ai un petit abonnement à la loose en termes de rencontres, de tout ça, qui font que. Et puis j'aime bien raconter ça. J'aime bien raconter mes looses, c'est vrai. Donc voilà. S'il y a des auditeurs de podcast, n'hésitez pas à foutre la pression à Virginie pour qu'elle fasse potentiellement un podcast ou une émission. Oui, faites-le. Tu vois, n'hésitez pas. Écoutez, les amis, j'ai quelques questions des auditeurs. Allez. Je leur ai demandé de nous poser des questions sur le Curious Cat, un site formidable. Il y a aussi un Discord maintenant que vous pouvez retrouver. Discord, exact. C'est un logiciel où vous pouvez discuter entre vous. Et on est là aussi. Adrien, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Mais, c'est bien Discord. Vous me conseillez d'avoir un Discord ou pas, les gars? Moi, je ne sais pas. Ouais, en fait, c'est une sorte de forum chat avec les gens. Ouais. Donc, ça enlève plein de... Et ça n'a rien à voir avec le gaming? Non, pas obligé. Il y a beaucoup de gamers pour... D'accord. Quand ils jouent en équipe, ils utilisent Discord pour discuter. Mais c'est toute activité qui nécessite de parler avec des gens. Ça prend du temps. Voilà, quoi. Moi qui suis un peu un vieux des forums, je retrouve ce plaisir. D'accord. Un peu de discuter avec une espèce de communauté. Retrouvez-moi sur Discord dès... Il y a 15 jours déjà. Non, mais sans polluer les réseaux sociaux, en fait. Moi, je suis un peu un... Et je dis pas du tout ça pour draguer Virginie, mais je suis un peu un nazi des réseaux sociaux. L'ambiance a changé. Tu sais me parler. Hein. Non mais et donc du coup je. Quand il dit le mot nazi, les lumières chez lui se baissent. C'est avec Google Home, c'est vachement bien fait. Et donc du coup j'aime pas trop polluer les réseaux sociaux en répondant à tout le monde et tout machin. Donc Discord c'est super bien. Du coup là-dessus, vraiment parler avec les gens sans aucun filtre. Bref, j'ai donc des questions pour les gens. Aurélien Prévost, peut-on espérer un retour de Multiprise? Est-ce qu'il y aura un jour une fin à l'histoire folle des frères podcast, car le suspense est insoutenable? Eh bien, peut-on espérer? Il faut espérer, c'est l'espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour militer? Un retour de Multiprise, pour ceux qui ne savent pas, Multiprise, c'est donc ma chaîne YouTube avec Freddy et Anis, mes deux comparses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous produire. Nous donner de l'argent ou faire en sorte que tout ce que produit d'autres que le dé de moustache se casse la gueule. Comme ça, ils donneront de l'argent sur notre chaîne. Non, j'essaie d'être ludique. Ou alors ça cartonne et du coup, ils aient de l'argent à mettre devant vous, non? Oui, c'est vrai, mais... Je sais pas. Là, comme on ne sort pas de vidéo, on ne peut pas cartonner d'un coup. Non, non. Mais les autres trucs de Golden cartonnent pour qu'ils aient de l'argent et qu'ils Mais il faut être réaliste. Il y a un endroit où vous avez de l'argent. Là, je plaisante, évidemment. Aurélien, non, mais sinon, ce truc-là, effectivement... Faites un buzz. Sinon. Non, mais après, je ne vais pas jeter la pierre à... Oui, parce que pour précision, cette chaîne s'est produite par Golden Moustache, qui a eu la... Là, c'est trop bien de nous avoir produit. On a eu une liberté folle, on a fait plein de trucs, c'était extraordinaire et tout. J'en rajoute pas, en plus, je suis très content. Etc. Et on espère qu'ils pourront nous reproduire à un moment donné tout ça. Mais après, c'est compliqué aujourd'hui de produire du sketch sur Internet et pas du fast cam et que ça soit rentable. Du coup, là, ça ne l'était pas et on espère que ça le sera à un moment donné ou qu'on sera reproduit par Golden ou par d'autres. Mais après, on a tellement donné pendant toute cette période, parce qu'on faisait plein de trucs aussi à côté, que ça nous fait bien plaisir de dormir. C'est ça qu'on dit, je crois. Ouais, c'est ça, mais si on veut participer, dormir Multiprise. Ah non. Ah bah super. Non. Mais si on veut donner, attends, en même temps, t'as pas lu CBD, donc. Non, mais on n'a pas lancé de Tipeee. D'accord, on n'a pas lancé de. Tu peux pas participer. Non, on a eu des pistes de peut-être vous devriez faire ça. On a dit carrément et on a été dormir à la place dans premier temps. C'est de votre Mais si on adorerait revenir à un moment donné. Oui, parce que je prends deux secondes pour répondre du coup là-dessus. On a des projets aussi avec les copains, Freddy Anis, mais pas forcément sur YouTube. Truc d'écriture un peu à droite à gauche. Et aller le Cinoche. Ou peut-être même un projet. Alors ça se trouve, c'est diffusé, ça sera peut-être diffusé déjà. On a un projet, on a tourné des pilotes pour une émission sur AB1, qui est une chaîne que seul moi regarde. Donc non, moi je vais me régaler. Mystère de l'amour. Et ouais, tout la ça. Chaîne qui passe Hélène et les garçons en boucle. Mais et évidemment, tout ça. C'est trop bien. Vraiment pas seul. Tu verras peut-être une émission qu'on va peut-être faire avec les copains sur AB1. Mais trop bien. En rapport avec tout ce monde entier de Hélène et les garçons. Non. Enfin, si je porte dedans des t-shirts José et Hélène pour faire l'esprit AB1. Très bien. Mais pas du coup pas sur YouTube, mais on est toujours très potes et c'est ça qui vaut mieux avoir envie de faire des trucs et plus avoir d'argent que avoir de l'argent et de faire des trucs pour l'argent, genre les bronzés. L'argent c'est chambé quand même. Ouais, l'argent c'est chambé. Je pense que c'est parce que t'en as jamais eu énormément, Aurélien, mais quand t'en as plein, franchement, c'est mieux que tout en fait. C'est ça, mais comme j'ai jamais goûté ce plaisir. Lancer un site de vente sur internet. C'est chambé, franchement. Non, mais juste, j'ai pas compris votre émission sur AB1, ça va sortir ou on en a tourné 3 pilotes, parce que ça coûte moins cher d'en tourner 3 d'un coup. Et vous attendez une réponse. Si on nous laisse faire à peu près autant de liberté sur la suite, on en tournera encore d'autres et ça sera diffusé une fois par semaine sur l'année. Dépend de vous en fait. C'est pas eux que. Qui... D'accord, ok. C'est un tout quoi. Écoute, c'est Freddy qui chapeaute ça. J'ai encore moins compris qu'avant d'avoir posé ma question, donc tout va bien. Merde, ta question c'est est-ce que ça sera diffusé? Non, mais. Les gars, je suis avec iTunes, les gens partent. Donc okay. Vraiment qu'on change de sujet, je suis sincèrement désolé. Virginie, oui. Peux-tu nous raconter une de tes pires expériences Tinder? Je te dis, je pense que c'est quelqu'un qui suit tes histoires. Tu veux qu'on revienne vers toi dans 5 ouais, minutes? Reviens vers moi dans 5 minutes. La pire, peut-être la plus drôle, peut-être. Si je l'ai. Je sais pas si c'est la pire. Ouais, peut-être pas la pire. Celle qui peut être marrante. Il y a eu ce rendez-vous avec un gars, donc c'était pas Tinder, mais Bumble, donc équivalent. C'est pas la question. Non, mais je sais pas. Non, c'est pareil, je t'assure. Ouais. Et donc, on avait rendez-vous, on avait à peine parlé tous les deux. Et je ne sais pas, une heure avant, je m'assure quand même que je ne vais pas sortir pour rien. Je lui dis oui, c'est toujours OK. Il me dit ouais, grave, justement, j'étais en train de regarder tes photos là et tout ça, j'ai trop hâte. Et puis, tu es une vraie beauté arienne. Enfin, tu vois. Ça me correspond tellement plus. J'ai envie de te mettre dans un bunker. Enfin. J'écourte un peu la conversation parce qu'on va se voir dans une heure, donc ça va. Oui, il faut économiser dans des moments Tinder comme ça. Ouais. Me préparer, tu vois. Et donc, du coup, le gars me réécrit en me disant on va remettre ça un autre jour parce que je viens de jouir. Putain, tu m'as raconté. C'est triste et mignon à la fin. Je viens de jouir, donc ça sert à rien qu'on se voit. Et du coup, j'étais là, hein? Je crois que c'était vraiment la meilleure blague. Ouais. Meilleure blague. Ça peut être une bonne blague. Je te disais, je l'épouse, ce nazi. Super. Je dis, j'ai regardé tes photos et je me suis branlée, j'ai joui, je me suis dit, ça ne sert vraiment à rien. Autant c'est en plus qu'on parlait. Pas très mignon. Oui, autant qu'on c'est se voit très très un autre jour. Et vraiment, j'ai fait des captures d'écran de ce truc en me disant, non, mais c'est pas possible, c'est la meilleure excuse de. C'est je peux pas, j'ai joui. Il a même pas eu la décence de mentir. Non mais quand c'était avant, c'était en mode. Et c'était pas du tout en mode sexuel. Sinon, non mais c'est ça qui était magique. C'est même pas un gars avec qui je peux en chatter, etc. Auquel cas j'aurais fait OK, d'accord, on se voit un autre jour. Mais là, c'était vraiment. Tu peux jouir plusieurs fois dans une journée. Alors il y a aussi la possibilité. Alors moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, quand je faisais des rendez-vous Tinder, je jouissais forcément avant, parce que si jamais on couche, ça va aller trop vite. J'ai eu envie de lui dire, mais heureusement, enfin, tu vois, sinon. Au moins le temps qu'on prenne notre verre et qu'on se dise oui peut-être allons baiser tu vois mais non pas du tout il y a eu cette excuse de désolé j'ai joui. Ça se trouve il a menti en fait il s'était chié dessus, il a dit faut que je trouve un mytho, je viens de branler parce que c'est nul quoi. Enfin, c'est, moi c'est l'excuse que j'ai donné pour le taf une fois j'étais en retard, je fais désolé j'ai joui. Ah bah même repose-toi mec, dors. Putain. Donc celle-là elle était pas mal, mais bon effectivement j'en ai 40 de cette académie. Moi j'ai entendu dire que les beaux, enfin j'ai quelques potes qui sont sur Tinder, mais après c'est d'autres j'ai un pote en particulier qui a 50 ans et il me dit c'est un gros problème parce que autant autour de 20 ans peut-être 30 ans c'est hyper expéditif, hyper efficace. À 50 c'est un cauchemar, c'est-à-dire que les femmes discutent mais elles ne veulent jamais rencontrer elles plantent à chaque fois, elles sont vraiment elles veulent juste de l'attention en fait, c'est exactement ça, et elles veulent l'homme de leur vie mais il faut qu'il soit dans le même arrondissement. Il faut qu'il ait non mais je meilleur vieux Twitter je cherche l'homme de ma vie dans l'arrondissement. Mais c'est ça, il est tombé sur une femme qui lui a répondu ça. Ah non, t'es là. Non, bah c'est non. Je déteste le 15e. En gros, c'est pour ça que genre, je sais pas si vous êtes familier avec les Otome Games qui sont. Pardon. Non. Bon bah c'est des. Si t'inventes des mots, non, mais je connais pas forcément. Il y en a pas sur Amazon. Les Otome Games. Qui sont donc du coup, par exemple des jeux mobiles où le but du jeu c'est de vivre une romance avec quelqu'un. Et t'as des choix, genre l'embrasser, lui résister, voilà. Mais ça existe depuis super longtemps, ça. Ouais, mais c'est un gros carton, du coup, en ce moment en France. Pokémon, quoi. Par exemple, Is It Love ou des trucs comme ça. Et en fait, si ça cartonne, c'est que les meufs vivent une histoire d'amour interactive, romantique, et que ça leur suffit. Sans se mettre en danger. Avec des faux nazis, du coup, c'est mieux quand même. Et c'est pour ça que sur Tinder, on a aussi ce truc de t'entretiens un truc un peu épistolaire, de je t'envoie des petits messages, tu me manques, etc. Et puis, il y a un moment où tu sais que de toute façon, quand tu vas voir la personne, forcément comme tu l'as idéalisé parce que tu lui as trop parlé pendant longtemps et du coup tu t'es fait sa tête, machin, etc. Et ben quand tu rencontres la personne, t'as franchement 90%. Mais il y en a plein qui veulent même pas rencontrer, ouais, c'est ça qui est terrible. Juste qu'on avoir leurs photos Si elles ont joui avant en même temps quel intérêt quoi. Alors j'ai une question qui dit: cher Adrien, ta vidéo sur Ranma 2,5 m'a rappelé le YouTube du début. Bah, comment ça s'est passé le tournage? Donc j'aimerais qu'Adrien réponde. Bah, c'était génial, moi, Ranma 2,5, je suis fan depuis longtemps, j'ai les t-shirts. C'est ça? Moi, je suis allé au Japon il y a pas longtemps, j'ai recréé avec ma meuf une photo. Est-ce que tu te confonds pas avec le mec de Irresponsable? Non, je me confonds avec le mec qui ressemble au gars. C'est moi. C'est moi. Le gars s'est peut-être trompé avec les prénoms, c'est effectivement. Voilà, c'est Aurélien. Et ça fait la moi, boucle. Même pas, et ça fait la moi, boucle. Moi, je répondais. Oui, d'accord. Ah, moi, j'étais en mode irresponsable. Non. Vas-y. Donc, du coup, pardon. C'est toi. Est-ce que ça rappelle le YouTube du début? Bah, écoute, c'est quoi, oui. Il y a une question. Déjà, merci infiniment pour ça. J'avais le sourire du début à la fin. Comptes-tu refaire des vidéos de ce genre? Je n'ai qu'un manga. Non, mais si cher que ça, un petit peu vlog. Pour précision, c'est sur ma chaîne YouTube perso, car vous pouvez aussi me suivre sur YouTube. Je m'appelle Aurélien Prévost, j'ai une chaîne YouTube. Et j'ai fait une vidéo où je vais au Japon et je parle de mon rapport au Japon par rapport aux dessins animés de mon enfance, tout ça. Et je dis l'imagerie, ce que ça m'inspire, etc. etc. Et je finis par essayer d'aller dans un coin où se passait véritablement, a priori, le manga qui m'était cher dans mon enfance, qui s'appelle Ranma 1,5. Mais oui, c'était tellement bien. J'essaye de trouver, mais en plus, sans trop m'aider de Google Maps et tout, pour faire un truc un peu à l'ancienne, j'essaie de retrouver un décor très particulier du manga que je finis par trouver. Là où il y a les rondins. Et j'avoue... Non, ça, c'est en Chine. Ça, c'est quand ils tombent dans les rivières maudites. Oui, c'est ça. Non, là, c'est effectivement un le rapport Japon à la flotte. Le Japon et la Chine, c'est deux pays différents. Pays de racistes. Tu peux voir, ils n'ont pas les yeux bridés pareil. Il y a les yeux bridés de deux manières différentes. Et je finis par trouver ce décor-là. Et je pense, je voulais pas forcément faire une vidéo. Ça rappelle le YouTube du début, ça, c'est marrant. C'est ce qu'il a dit à personne. Tant mieux, parce qu'il y a un côté peut-être... spontané. Je sais pas, ouais, spontané. Ouais, partage de moments de vie, je pense. Mais ouais, je sais pas forcément le genre de vidéo que je fais d'habitude. Mais quand j'ai tourné le truc et que j'ai regardé les images, je me suis dit, putain, bon, bah, il y a une émotion, elle est là. Donc, mettons-la, montons cette émotion. Et j'avoue que j'aime bien cette vidéo et qu'elle a touché plein de gens et que ça m'a fait très plaisir. Et merci à toi. Moi, elle m'a pas du tout touché. Sur ton YouTube. Ouais. Adrien. J'en ferai d'autres, mais a priori, non, malheureusement, parce que c'est une rencontre unique une fois dans une vie avec ce type de choses. Adrien, je t'en prie, excuse-moi. Excusez-moi, pardon. J'imagine, quand est-ce que revient Multiprix? C'est ça la question qu'on m'a posée. Non, mais j'aurais été un génie si j'avais fait ça, mais je l'ai pas fait. Adrien. Que penses-tu de la baston Booba Caris en tant que spécialiste du rap-hop? Qui représente... Oui, bon, moi, on me pose des fausses questions, alors... Foutu pour non, foutre des vrais derrière. Non, mais... oui, bon, je sais pas. Bon, je réponds, on s'en fout. Oh putain, bah, la personne aimera... Non, bah, je vais citer ce qu'a dit Sébastien Marx, qui était assez marrant. Ouais. Le truc, c'est qu'il disait... quand il y a deux gros rappeurs américains qui se sont fightés, Tupac est mort, ouais. Et en France, ils se sont fightés, ils se sont mis des coups de bouteille de parfum devant un M&M's géant. Du coup, il disait, bah, vive la non-légalisation des armes. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vraiment mieux. Voilà, Adrien, à quand ton podcast perso? C'est pour moi, du coup, là, ou pas la question? Non, là, c'est pour Adrien. Okay. Non, je sais pas, En vrai, je me disais, ah, ce serait bien que je le fasse à la rentrée, mais en fait... Ça y est, c'est passé. C'est passé. Non, je pense pas, mais je sais pas. En vrai, j'en sais rien. T'aimerais bien? Oui, j'ai envie. Après, j'ai une idée, mais je t'en avais parlé en plus. Ouais, moi aussi, tu m'en avais parlé. Ouais, mais si vous êtes toujours chaud, on verra. Ouf, mais on est exclus, d'accord. Nous ouais, non, non. On va faire un podcast tous les deux. Ouais, voilà. Non, mais... On parlera de foot. C'est non, aussi mais... le podcast d'Adrien, vous ferez attention, hein. Sur le foot. Justement. Oui. Non, mais je sais pas, j'en sais rien du tout. Voilà la réponse. Mais en tout cas, je suis content qu'il y ait un peu d'attente. Ça fait oui, les gens aimeraient savoir. Les géants. Moi, j'attends. Hein? Les géants attendent. Les géants d'abord. Aimeraient savoir. Céline, quelle sera la ligne éditoriale de Porn and Pop? Plutôt pédagogique, plutôt humour, peux-tu nous en dire plus? Plutôt pop. Question extrêmement posée, je suis étonnée. C'est toi qui as rédigé les questions. Il a filtré. C'est une vraie question, non, parce que moi je ne les reçois pas ces questions. Tu vois, moi quand je reçois des questions, en général ça. Je fais un tri. Tigresse, tu veux m'épouser? Tu vois, les dernières, c'est quand même comment devenir acteur, acteur non. Porno, c'est quand même toujours un peu. Non, j'ai une question sur le porno, mais voilà, bon. Elle n'est pas. Voilà. Eh bien, la ligne éditoriale, j'ai vraiment l'impression de faire de la promo là. N'hésite pas, tu sais. Là, t'es en plein dedans, je vais lire mon mail de présentation. Bah, en fait, c'est de parler de sexualité donc, au pluriel. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer des fictions de tout style. Ça peut être comique, ça peut être dramatique, ça peut être de l'horreur, ça peut être n'importe quoi. Tant qu'on parle de sexualité, il y a forcément de l'érotisme et des scènes explicites. Mais l'idée, c'est pas de transposer des vidéos porno en BD. C'est de raconter quelque chose, d'y mettre du sens. Donc, ça peut être évidemment avec de l'humour, mais ça peut être aussi dans un esprit pédagogique, puisque d'ailleurs, on commence aussi avec un guide de sexualité à travers les sextoys. Donc, voilà. Et Bastien Vives, qui est en face, lui, va proposer une fiction avec beaucoup de second degré, hyper provoque, hyper... Enfin, il va vraiment très, très loin. Il touche à pas mal de tabous, mais c'est ça qui est génial. C'est vraiment très libérateur. Donc, en fait, c'est très vaste. D'accord. Mais l'idée, c'est pas de proposer du contenu pornographique pour se masturber, même s'il y a des œuvres qui peuvent être excitantes. C'est quand même... L'intention, c'est de raconter quelque chose, quoi. Non, voilà. Et d'inviter aussi des auteurs et des dessinateurs qui ne se sont jamais essayés à ce registre-là auparavant et qui vont pouvoir se lâcher. Et, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'apporter une autre vision. Ça manque et, beaucoup. Femme comme mec. Et de parler de sexualité au pluriel, j'insiste là-dessus parce qu'on parle souvent de la sexualité hétéro. Et le but, c'est aussi de montrer des œuvres qui parlent de la sexualité gay, libertine, et sans être à chaque fois dans le cliché, soit t'es monogame, soit t'es libertin, soit t'es SM, enfin, il y a plein de... Ou SS. Ou SS, c'est exactement. Il y a plein de... Vous m'avez trop chauffé ce soir. Donc, j'ai aussi l'intention d'écrire aussi, là, je suis en train de bosser sur deux scénars pour proposer, moi aussi, des... Dans ta propre collection. Ouais. C'est trop bien. Bah oui, c'est cohérent, quoi. Bah ouais. En fait, je voulais pas du tout parler de cul, moi, après le porno, en fait. J'avais un peu envie de passer à autre chose. Et finalement, il a fallu un temps aussi pour digérer tout ça et pour faire... Il y a forcément un moment, quand tu viens d'arrêter, où tu veux... Justement, t'as pas du tout envie qu'on parle de ça. Il y a un rejet, effectivement. Donc, moi, je me suis retirée des médias, des réseaux sociaux. J'avais besoin de me retrouver. Ça a été un processus. Et à partir du moment où tout ça s'était digéré, que j'ai pris du recul et que je l'ai pleinement accepté, je me suis dit, OK, je me sens bien avec tout ça. Je peux partager, je peux en parler. Et maintenant, c'est une richesse. Au-delà. Et bien souvent, les personnes qui ont du mal à en parler, c'est parce qu'elles n'ont pas encore fait cette forme de deuil. Et elles sont, un peu... Les personnes, les actrices, parce qu'on en parle souvent, tu vois, des problèmes de reconversion et de problèmes par rapport à l'image. Mais finalement, c'est surtout par rapport à soi, quoi. Ouais. C'est, quand on a un problème par rapport à soi, on prend tout comme une attaque et du coup, on ne peut pas avancer. Donc là, du coup, je peux le parler de cul. J'en parle, je parle beaucoup de cul. Et en parlant de conseils, justement, comme on me sollicite pour avoir mon avis sur des conseils de sexualité, de rapports amoureux et tout ça, maintenant je propose pour ceux qui le veulent, je propose en fait des conseils, mais payants en fait, par mail, ou par rendez-vous aussi, parce que au bout d'un moment j'ai envie de faire les choses bien, ça demande du temps, donc je me dis quitte à le faire, autant le faire vraiment de manière structurée, carrée, et évidemment de manière sérieuse, parce qu'il s'agit pas de faire du pipe show en fait. Ça c'est Aurélien qui fait ça à la rentrée d'ailleurs. Oui. Donc finalement, j'ai déjà commencé. Du coup. La sexualité reste quand même vachement présente dans mes projets, quoi. Enfin, le rapport au corps, en tout cas. Oui, c'est ça. Parce que le massage, pour le coup, là, non, c'est pas sexuel. Hein. Non. Ça va être difficile aussi de le faire comprendre. Je pense que le jour où j'annoncerai que je ferai des massages, parce que j'ai failli me lancer cet été. J'ai vraiment hésité. Je me suis dit, refaire les choses progressivement. J'en ai vraiment envie. Je me suis dit, est-ce que je ne vais masser que les femmes? Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, c'est trop con, en fait. Ouais. Pas du tout. J'ai vraiment envie de masser tout le monde, quel que soit l'âge, le physique, peu importe. Les nazis. C'est super intéressant. Et les nazis aussi. Pardon. Ils ont trop de tension. Et au contraire, je pense que ça peut être justement intéressant, tu vois, parce qu'il y aura forcément de la gêne et au départ, une zone un peu de doute, j'imagine, un peu de flou. Et justement, je trouve que c'est bien de proposer Un toucher qui soit bienveillant et qui soit pas justement en rapport avec la sexualité. Je pense qu'on a besoin d'apprendre ça aussi, d'apprendre à se toucher sans forcément que ça soit perçu comme un acte sexuel ou soit pas ou tout ou rien quoi. C'est genre soit tu touches pas les gens, soit tu couches avec quoi. Parce que c'est un tabou en France, tu vois, la culture du toucher, alors qu'en Thaïlande, sans parler du business malheureusement qui est à côté, tu vois, les sportifs, les boxeurs thaïs se massent entre eux et ça fait partie d'une hygiène de vie. Je trouve ça super sain. Je Donc voilà, touchons-nous. C'est très intéressant. Qu'est-ce que j'avais d'autre, Aurélien? Pardon. Qu'as-tu fait entre les gants en t-shirt? Pardon. Putain. Aurélien, qu'as-tu fait entre les gants en t-shirt et godet de moustache? Louis XIV veut-il toujours te péter la gueule? Oh, c'est trop mignon. J'ai fait du surf deux fois. je confonds, je crois. J'ai fait quoi entre les gants McDo. Et c'est quoi entre les gants et t-shirts? Et quoi? Et Golden Moustache. Bah non, parce que McDo, j'y étais avant. J'étais avant les gants et t-shirts. T'as continué après. Ouais, j'ai continué. Après les gants et t-shirts, j'ai continué le McDo, effectivement. Bien vu, Adrien. Autant dire que ça rapportait de ouf, les gants et t-shirts. C'était pas une vanne. Hein. Bah non, mais je sais que t'as kiffé ça. Oui, c'est vrai, j'ai kiffé ça. J'en parlais dans le dernier podcast, d'ailleurs. Le dernier podcast. J'ai bossé un peu en télé après en tant que scénariste. Avec mon frère qui était aussi dans les gars en t-shirt. Et Nicolas, qu'on salue. Exactement, Nicolas, qu'on salue. Et c'était très intéressant, mais un peu frustrant parce que soudainement, on n'avait pas la main mise sur le produit fini. C'était l'écriture et le drame de ce métier. Exactement. Ouais, on peut le dire. Mais après, j'étais quand même très content et d'avoir bossé. Là, j'ai rencontré des gens très cool et tout. C'était très sympa. Mais après, j'avais eu envie de revenir sur Internet pour pouvoir avoir plus un peu la direction du truc, quoi. Et après, du coup, j'ai fait Grippin TV. Cette personne m'a intéressé, donc précisons que je crois que c'est ma bande démo qui m'a fait revenir arriver chez Golden Moustache. Elle était incroyable. Via Adrien, que je connaissais, qui avait tourné avec nous sur les gars en t-shirt. Si t'es fan, va jeter un coup d'œil, tu verras Adrien. Premier tournage, c'était je l'ai déjà dit dans l'autre podcast. Tu verras une fois ou deux Adrien dans notre premier crew, les gars en t-shirt. Il était dans du pur Victor Hugo ou pas du tout? Non. Non, il était Moi, j'étais dans Sid Marcus. Mais c'était dans Victor Hugo. Dans le porte-manteau, tu es, on peut te voir. Attends, c'est la première fois vidéo, avec toi. Attends, je me rappelle. C'était Sid est mort, il est transparent. Ah oui, c'est celui-là, oui. Bah, et voilà, t'es dans ça, soirée, Sid est mort. Voilà, bon, bref, voilà, Sid est mort. Ça, c'est la première. Et après. On te voit dans les films faits chez Kubrick, où tu joues magistralement Jack Nicholson de Shining, mais version 2000. Ouais. C'était relativement incroyable. C'est sur Dailymotion, tout ça. Rien n'a été supprimé. Dailymotion, non. Et j'ai tourné dans votre Lost in La Mancha, quoi. Voilà. Et t'as tourné dans notre Lost in La Mancha qui n'est jamais sorti, qui est la maison hantée de Sid Marcus. Voilà. Où j'étais à poil dans une baignoire. Enfin non, j'étais pas à poil. J'ai joué une sorte de fantôme japonais qui sur sort hors caméra, qui sort d'une baignoire, sauf que c'était lui nu. Et tu sais que c'était pas l'image. Hein. J'étais en caleçon. Ah oui, c'est vrai. Tu t'es juste. J'avais juste sorti une blague avec mon sexe. Non, il était un petit écolier. Oui, voilà, c'est ça. Un petit écolier. Je comprends pas. Bon bref. Je jouais un écolier mort et du coup je jouais le fantôme de cet écolier. Donc j'étais habillé en écolier et il y avait un peu. On peut spoiler. Tu peux spoiler, ça sortira jamais. Il y avait un peu. C'était peut-être un genre à Darkwater ou un truc comme ça, non? C'est ça. Ouais. Et du coup j'étais dans une baignoire. Je sortais de la baignoire. Je réclamais mes 15 francs. Il réclamait 15 francs. C'était un fantôme qui restait aéré car on lui devait 15 francs. Mais en fait, ils ont perdu tout. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis mort alors que... 15 francs ça. Bon, nous faisons vivre un peu ce film qui est déjà sorti. Du coup, ça fait plaisir c'est ce super. Soir. Non, mais il y avait juste une photo où on voyait ma bite. Exactement. Ouais, c'est pas dans le film. Et voilà, et après, je suis arrivé, pour finir, après, je suis arrivé via Adrien, que je connaissais un peu, via Vincent aussi, Tyrell, que j'avais rencontré sur Twitter. Qui relayait mes trucs un peu et tout ça. Et du coup, quand les gens recrutaient des nouveaux gars sur Golden Moustache, Tom Huneau et Nico de Parcy m'ont ramené dans la boucle. Et voilà. Voilà ce que j'ai fait entre temps. Et je me suis aussi. Putain, j'allais encore faire des blagues de cul. Non, c'est bon. Tu t'es branlé, t'allais dire ça? Ouais, j'allais dire, je me suis branlé 8 fois. J'allais faire ce genre de vanne. Parce qu'il y a eu quand même quelques années. C'est vrai. Je pense que c'était la blague. Oui, mais je précise, les gens ne savent pas forcément qu'il y a eu plusieurs années, Florent. c'est vrai, Adrien, tu as raison. Bon, les amis, je pense qu'on touche à la fin. Je peux avoir une vraie question? Mais on l'a posé pour le podcast en plus. Oui, mais. Non, mais en plus, on va beaucoup parler, non, mais Adrien. Je plaisante. Tu le sais. Oui, parce que demain, dans les prochaines émissions, il y a une émission qu'on va faire que tous les deux avec Adrien où on va appeler des auditeurs. C'était très cool. Écoute, en tout cas, on se marre bien à le faire. Et on a aussi un podcast qu'on va faire pour parler de Groom, donc cette nouvelle série qu'on fait avec Adrien. 10 épisodes disponibles sur YouTube Premium. Il y a une tactique pour le voir gratos si vous êtes assez intelligent qu'on peut pas vous dire normalement parce que bon, on est voilà, on pourrait pas vous demander. Et après, c'est quand même cool. Moi, je sais que c'est le premier truc que je sors quasiment avec peut-être la BD disquette. Premier truc que je sors qui est payant. Et donc, bon, c'est vrai que si vous payez, moi, je suis content quand même pour voir la série. Car effectivement, c'est une série disponible sur une plateforme payante, à savoir YouTube Premium. Le premier mois est gratuit. Voilà, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, vous pouvez regarder cette série qu'on a écrite avec Adrien Méniel, Axel Malévernet et Robinson Latour. 10 épisodes de 26 minutes qui racontent l'histoire d'un groom qui n'était pas fait pour bosser et qui se met à devoir bosser. Adrien, tu joues dedans également. Peut-être que je rappe dedans. Oh, peut-on mieux la vendre? Franchement, peut-être qu'il y a Marc Lavoine dedans. Peut-être que je parle avec Marc Lavoine. On ne sait pas. Il y a quelques blagues, il y a quelques situations rocambolesques. Non, voilà, vraiment, nous, on a beaucoup travailler sur cette série, on en est content, on pense que c'est drôle, et donc voilà, moi j'espère que vous allez la regarder pour que vous nous disiez si ça vous fait rire, je vais parler pour moi, mais c'est mes rêves de faire des sitcoms. Moi j'ai grandi avec Friends et plus récemment des trucs comme Community ou 30 Rock. Et c'est mieux que ça. Et c'est mieux que tout ça, c'est incroyable. C'est vraiment en toute modestie. Non mais voilà, on a pu mettre des blagues vraiment débiles et aller très très loin. Moi, le personnage de Vincent Tirel, j'ai pu aller très très loin et mettre les pires blagues que j'ai jamais osé mettre et je suis trop content de pouvoir les... Et en plus, il les voit extrêmement bien parce que c'est un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Donc voilà, je suis trop content de cette série. J'espère qu'elle va vous plaire. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. J'espère que vous la regarderez. Le premier épisode est gratuit, normalement, si tout se passe bien. Et les autres, voilà, faut vous abonner. Le premier mois est gratuit. Premier. À partir de septembre, donc si c'est pas le premier, je putain, crois mais que c'est si la diffusion est décalée, jours, comment tu vas faire pour ce podcast? Je supprimerai cette. Le premier, c'est un simple passage. Donc ce sera on en a parlé 25 fois. Voilà. Oui, Marc Lavoine et tout, c'est impossible. T'es niqué, mec. Ah non, bah, ça sortira un jour. Voilà. Et puis au pire, même. Vu qu'on a des émissions d'avance, je peux sortir ce podcast un peu plus tard. Donc ça se trouve, là, on est en 2019. Quoi. Bonne année. Et sinon, parce que je vais quand même aussi parler de ça, moi j'ai sorti une autre série. Parce que sur ce YouTube Premium, il y a aussi Les Emmerdeurs. Série Golden Moustache, sur lequel j'ai écrit deux épisodes, le 4 et le 6 de mémoire. Et j'ai écrit en fait tous les dialogues additionnels de cette série. J'ai été script doctor. Et avec Vladimir Rodionov et Valentin Vincent, il y a aussi plein d'autres auteurs qui ont travaillé dessus. Et je me suis bien amusé à faire ça. Alors, je me suis moins impliqué que dans Groom. Mais j'en suis quand même super fier. Je suis très content des épisodes. C'est très drôle parce que Groom, c'est vraiment la série qu'on attend de Studio Bagel. Et Les Emmerdeurs, la série qu'on attend de Golden Moustache. J'espère que ces deux séries vous plairont. Dernier petit tour de table, une dernière regardez fois d'appel. Plutôt Groom si vous devez faire un choix. Quoi. Bah, si vous abonnez, vous pouvez regarder les deux. Il y a moins dedans, il y a moins dedans, pardon. Vous pouvez regarder les deux. Et voilà. Dans quelle série il y a des nazis pour, dans Les Emmerdeurs. Ah, Les Emmerdeurs, il y en a plein. Énormément de nazis. Ah, il y a un fasciste dans Groom. Ah, bah tu peux regarder les deux. Il y a un fasciste dans Groom. Il y a quoi Vincent Desagna. Ah oui, c'est vrai, c'est un dictateur. C'est vrai. Donc, dernier tour de table, Aurélien, promo rapide. On a des guests. Pas mal. Et plus de guests du côté bagel, effectivement. Moi, j'ai déjà un peu tout dit. Multiprise, ouais, potentiellement sur Abien à la rentrée. Ma chaîne YouTube, elle a plein de vidéos, dont une avec Adrien. Là, c'est bon, on tourne la semaine prochaine. Ah oui, faut que je te réponde, oui. Voilà, répondu parce que je t'ai répondu il y a deux semaines. Qu'est-ce que tu racontes? Un petit Il fait tout noir avec Adrien et Anis. On va bien rigoler. Ça me fait très peur de faire. J'ai envie parce que c'est marrant et en même temps je trouve ça hyper anxiogène. C'est pour ça que je suis un peu le cul entre deux chaises. On va être très bienveillant. Tu sors de ta zone de confort. Tu fais bien de le dire. Ça c'est dans le futur donc ça sert à rien. Voilà. Mais on l'a déjà fait. Je pense que si je le fais, je vais pas apparaître sous mon meilleur jour parce que ça va être. Il va être grognon. Bah, c'est intéressant. On va découvrir une nouvelle facette. On a découvert une nouvelle facette d'Adrien. Pas nouvelle. Qui t'a ouvert les portes d'Hollywood. Bah ouais, depuis que je l'ai vu, moi, j'ai vachement changé d'avis. C'est la meilleure vidéo d'Aurélien Prévost pour moi. Non, vraiment, c'est donc mon actu, c'est cette vidéo que du coup je force Adrien à faire a priori. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut le faire? Mais moi, j'ai pas les yeux bandés. Je vois tout. On l'appellera autrement. Il fait très clair chez Adrien. Tu mets. Adrien, donc Groom. Et voilà. C'est énorme, hein, mais non, mais pas du tout. En plus, je dis ça, mais il y a Like Me, la série, dans laquelle j'incarnais une série Disney. Dans laquelle j'incarnais dans les deux premières saisons. T'es dans une série Disney, peut-être que tu seras dans le univers partagé, tu peux être techniquement dans Star Wars, dans Marvel. T'es à deux doigts de... Attends, j'y viens. pardon. Je suis dans l'univers, ça y est, je suis dedans, j'ai un pied dedans. Mais non, j'incarnais un prof de maths, du coup. Et en fait, et là... Et t'étais très bien dedans. Ben merci. Et mais j'étais trop content de tourner dans un truc vraiment pour les enfants pré-ados, en ouais, fait. Les enfin, ados, ouais. C'était parce que c'est cool, en fait, enfin, de faire de l'humour vraiment où c'est vraiment de la comédie où il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de sous-entendu. C'est vraiment juste, tu fais le con et c'est marrant. Et c'est ça que je regardais. Ouais, c'est hyper libérateur et cool de faire ça. Du coup, j'étais très content. On m'entend bien là ou... On t'entend vachement bien. C'est juste moi, je m'entends pas très bien. T'es cinglé. Non, et du coup, j'étais hyper content. On a tourné la saison 3 qui va sortir en septembre aussi. Okay. Chance. Et la saison 3 qui sera, alors j'ai pas bien compris, mais apparemment ça va être, c'est à la fois un long métrage, en fait ça peut se regarder comme un long métrage, téléfilm, mais ça... voilà. Téléfilm, voilà. Et ça reste un long métrage, c'est vrai, c'est... Oui, non, mais c'est pour ça que je disais, ah oui d'accord, oui téléfilm, ça va pas sortir au cinéma, ouais. Il y aura une avant-première au cinéma, mais je pense pas que ce soit ouvert au public, mais wow. Bref, et aussi ça va être diffusé en étant découpé en épisodes de 10 minutes je crois, d'accord, comme ça. Kaamelott saison 5 un peu quoi. Exactement, j'ai du jambon, tu vois, c'est ce genre de réplique. Et par cœur les vous êtes barré, oui voilà. Ouais. Et oh la barbe, voilà. Et comme là, tu vois qu'un petit dit la barbe. Moi, bah, si. Oh la barbe. Et voilà. La barbe, et... les chevaliers. Non, mais c'est cool parce que j'ai un rôle un peu conséquent là. Enfin, on me voit un peu plus et. Voilà, je fais un solo à un moment d'un instrument assez cocasse, wow, ce genre de choses. Du kazoo. Je hurle aussi, ce qui est toujours, moi, me fait énormément plaisir. Je hurle. Et c'est sur Disney XD ou je dis n'importe Alors, quoi c'est, les saisons précédentes étaient sur Disney XD et là, ça va être sur Disney Channel. Oh. A priori. Oh. Donc, c'est un peu classe. Tellement stylé. Ouais, et je suis, tout le monde va adorer, sauf ta belle-fille qui va détester Disney. Parce que c'est Disney. J'espère belle-sœur, savoir pas la... belle-fille, doucement. Oui, je sais, j'étais là genre... Vous êtes un peu dur quand même avec cette petite connasse. Par contre, je suis en train de me dire, j'espère que les frères de ma meuf n'écoutent pas ce podcast. Là, parce qu'ils vont te tabasser. Tabasse, man. Je suis Adrien. Oui, Mignel. Dis-moi. Donc, on en a parlé, ta nouvelle BD. Oui, alors, ouais, va y avoir ma nouvelle BD. Est-ce que tu fais des dédicaces un peu, 13, d'ailleurs? Ouais, j'ai déjà une quinzaine de dates prévues. Super. Sur tes réseaux sociaux, pour aller la trouver. Oui, je ferai tout. Et puis, je serai sûrement à Angoulême encore cette année. Oui, j'adore Angoulême, c'est un vrai enthousiasme. Il y a Wes Anderson qui tourne son nouveau film à Angoulême, là. C'est un peu cool, c'est un peu classe. C'est assez stylé. Et j'ai deux je nouveaux... Je dis ça parce que c'est un pote. Ouais. Projet BD avec Delcourt. Rod, quand tu me parles déjà, c'est incroyable. Non. Mais quel nazi, arrête de la draguer. J'ai absolument pas voté. J'ai cru que tu étais en train de réfréner un rôle. Non, pas du tout. J'étais en train de me masser. Ah, d'accord. Le vieux truc pour que Céline te masse. Absolument pas. Je suis en train de masser, mais c'est pas pratique de le faire soi-même, en fait. Si seulement. J'ai le dos bloqué de ouf, là. Sortir de mon corps et me masser moi-même. C'est impossible, donc. Mais si, c'est possible. Regardez, je suis en train de le faire. Waouh. Donc, ouais, deux nouvelles BD chez Delcourt que je vais préparer cette année. Là, je vais partir dans de la SF. D'ailleurs, je t'avais pitché. Je connais le pitch. L'histoire. C'est Star Wars. Très mauvais délire, parce que ça existe vraiment, quoi, mais c'est Star Wars. Non, il était content dans la rue en plus. Tu m'as dit que c'était cool. Et il y a plusieurs livres qui vont sortir et des jeux aussi. Trop bien. Voilà. Ça va, l'oseille. Bah, tu sais, c'est Noël et je fais souvent plein de jeux pour Noël. C'est pas Noël du tout, par contre. On est pas au mois d'août. Hein. Ah, mais non, c'est je dis quand à Noël. C'est. Ouais, mais maintenant. Là, j'écris pour les trucs qui sortent à Noël. Et toutes les sorties pour Noël, elles sortent fin octobre pour faire les têtes de gondole. Ah, tu t'y prends à l'avance, c'est tout malin. Hein. Voilà. Céline, donc. Eh ben, la collection Pearl & Pop chez Glénat. Exactement. Voilà, qui sort en septembre. Et puis sinon, boulot. Donc je vais faire quelques séances de dédicaces pour mon bouquin. Et sinon, les autres projets sont en développement. Donc il n'y a pas encore de sortie officielle d'annoncer. Mais en revanche, la petite news, c'est que je revends en fait mes affaires. Justement, une manière de tourner la page par rapport à mon ancienne carrière, je revends mes affaires en tant qu'actrice. Alors j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu. J'aimerais savoir. Donc sachant qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi dedans. Tu fais vide dressing ou vide aussi, oui. Mais en sachant que je m'adresse vraiment. Alors il y a aussi ça m'a fait sourire parce que je m'attendais pas à ça. Il y a des femmes qui ont réagi en disant ah tiens tu vends des chaussures, tu vends des fringues. Et ouais, c'est vrai que moi j'ai pensé tout de suite à ça. J'ai tellement de mecs qui me contactent et puis de mecs fétichistes, collectionneurs que forcément c'est au premier abord c'est plutôt à eux que je pensais parce que t'as des mecs qui veulent acheter ma lingerie, qui veulent acheter des robes parce que c'est pour eux c'est l'objet, c'est le fait que je les ai portées en tournage en fait. C'est, voilà, c'est du fétichisme. Et donc, je vais revendre, parce que vraiment, en fait, je veux me débarrasser de tout ça. Et je me dis, bah, plutôt que de les jeter. Bah, c'est Noël, en même temps. Autant faire plaisir. Donc voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah, il me semble que le système IBM semble plus simple, tu vois. Je vais prendre en photo mes fringues. Et, le bon coin. Donc, il y a des costumes de show qui sont complètement. T'as des tenues en latex. J'ai un costume de Blanche-Neige en vinyle. Pourquoi j'ai acheté ça? Ne me demandez pas pourquoi. Ça m'a fait rire. Quand je sais pas pourquoi je t'ai visualisé avec, mais c'était très bizarre. Je sais donc, pas pourquoi. Il y a forcément un peu de tout. Bon, évidemment, il y a du contenu pornographique parce que j'avais tous mes DVD. J'ai même ma première cassette vidéo de mon premier film. Et surtout, et c'est ce qui attire surtout l'attention, je revends tous mes awards. En tout cas, tous ceux que j'ai gardés parce qu'il y en a en fait que j'ai perdu. Qui n'a pas perdu ses awards de chez lui? Oui, je l'avoue, j'ai jeté un award quand j'ai déménagé des États-Unis à Paris. J'ai jeté, et c'est dommage, c'était un très joli award en forme de cœur. En bois, en forme de cœur. J'ai assommé un bâton avec. De l'océan, mais arrêtez, c'était ma meilleure scène anale avec Lexington Steel. Et tu l'as jeté. Mais j'ai un autre award de meilleure scène anale avec lui, donc c'est bon. Un AVN. L'honneur est sauf. Est-ce que c'était pour la même scène? Non, c'était deux scènes différentes. D'accord. Voilà. Donc, comme j'en ai gagné pas mal, et parmi, donc, il y a les AVN de la. Alors, pour ceux qui connaissent pas, les AVN, ce sont les. C'est la grosse cérémonie du X qui a lieu chaque année en janvier à Las Vegas. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, ils te précisent pourquoi tu as gagné. Donc, il y a meilleure performeuse, meilleure actrice, mais aussi, donc, meilleure scène anale, meilleure scène de groupe, meilleure scène solo, meilleure scène girl. J'ai gagné donc, trois fois meilleure scène solo, moi. Trois années consécutives. Et deux outdoor, puisque j'ai eu la chance de vivre une fois dans ma carrière les outdoors, à un moment donné où ils ont fait un retour à Paris. Et donc, je sais que c'est un objet qui attire l'attention parce que c'est emblématique de l'âge d'or du porno, en fait. D'accord. Elles sont jolies, c'est des belles statuettes. Oui, c'est pas des bites géantes. Et j'ai eu un award aussi au Mexique alors que j'étais encore en prison. Tu as voulu l'utiliser pour t'échapper. Je pense qu'ils ont dû paniquer parce qu'ils se sont dit merde, on a rien préparé. Donc en fait, je suis sortie de prison, on m'a donné une statuette assez horrible de en fer forgé qui ressemble à une sorte de bonhomme, enfin assez moche. Et c'est même pas mon nom en fait qui est marqué, donc je sais pas qui l'ont volé. C'est un mec qui joue au boule, qui joue à la pétanque, il y a marqué Rodrigo. J'imagine un truc fait avec les trucs de bouteilles de champagne. C'est génial. Juste un vase qu'ils ont acheté. C'est avec écrit Mexico dessus. Mais est-ce que tu vends la tenue que tu portais en prison ou pas? Ah ouais, je pense que je l'ai encore. Parce que là, les chaussures avec la pub qu'on te fait là, c'est clair. Non mais là, ça peut vendre. Tu me demandes, tu peux t'acheter une maison. Alors je précise, c'est une carrière d'actrice porno, c'est pas une carrière de mannequin. Donc il y a pas du Dior, il y a pas du Saint Laurent. C'est assez. Enfin moi-même quand j'ouvre, tu fais du combien de chaussures? Du 39. Mais voilà. Quand j'ai revu ton fils, ça peut pas. Quand je revois les fringues que je portais, je me dis merde, j'ai porté ça quoi. Il y a des trucs qui sont hyper cheap. Un t-shirt Van Dutch. Un sweat produit de banlieue. Mais en même temps, ça a beaucoup de charme parce que c'est les tenues de porno, c'est ça, quoi. C'est tourner. C'est tenues d'une époque. Voilà. Très bien. Donc voilà. Sur le eBay. Après, les fans, de toute façon, je pense qu'ils s'en battraient les couilles d'acheter du Dior. Enfin, je pense qu'ils sont au courant que c'est ça qu'ils recherchent. Ce qui leur plaît, c'est le côté neuf du produit très peu utilisé. Et surtout le côté commerce équitable, tout ce que matériaux recyclés, c'est important. C'est ça. Très bien. Bah là, ce sera sûrement en ligne à l'heure où on diffuse. Oui, ou pas. Absolument. Ouais, d'accord. Très bien. Bon, n'hésitez pas à claquer votre thune. Ouais. Bon, et bien écoutez, merci à tous. C'est le premier Floodcast un peu qu'on refait parce qu'en fait, ce que vous avez entendu d'avant, les enregistrés, donc je suis très content. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Merci encore d'être venus à tous et à tous. Ah oui, pardon, Adrien. C'est juste que j'ai repensé à un truc. Dis-moi. En termes de promo, c'est que le court-métrage, là je parle bien dans le micro, le court-métrage Phantom Force que j'ai fait avec Jérôme Niel, bien sûr, va être diffusé à la Comic-Con Paris en octobre. Bah ouais. Donc voilà. C'est bien qu'on va dans un podcast au Comic-Con, en vrai. Grave. Ouais, peut-être envoyer un mail, ça pourrait être cool. Donc, voilà, je suis trop content parce que ça risque d'être diffusé sur YouTube dans longtemps. C'est ouais. le meilleur endroit, la Comic-Con, en plus, pour diffuser ce truc-là. Ouais, ça va être trop bien. Ça serait trop bien qu'il y ait un invité, genre Lorenzo Lamas ou un truc comme ça, pour lui montrer, quoi. Ouais. Ce serait vraiment la meilleure chose. Oui, ce serait cool, ouais. Mais on verra. Là, je suis un peu en discussion. Enfin, bon, bref, avec et eux. Ça vaut le coup, les gens, ça dure 20 minutes. C'est pas un court-métrage de. Ouais, c'est pas un sketch. C'est cool de voir ça diffusé. Ça te plairait, je pense. Bon, bah, très bien. Écoutez, merci à tous, merci d'être venus et à très bientôt. Parle-moi des simples choses, emmène-moi à l'opéra, offre-moi des roses et des camélias. Parle-moi des jolies choses, des cahiers, du cinéma, des questions qu'on se pose dès les premiers pas. Parle-moi des mirabelles et d'un violon sur le toit. Donne-moi des ailes et du chocolat. Parle-moi du bleu du ciel dans un restaurant chinois. Offre-moi du miel du bout de tes doigts. Avec ta bouche et tes bras, entre dans la danse et danse avec moi. Parle-moi de ces distances qui ne nous séparent pas. Dis-moi que l'amour ne s'arrête pas. Parle-moi des simples choses, emmène-moi à l'opéra, offre-moi des roses et des camélias. Parle-moi des jolies choses, des cahiers du cinéma, et dis-moi que l'amour ne s'arrête pas.